Non, mais j'ai plus envie. D'accord. Non. Ok. Non, j'ai jamais vu quelqu'un d'aussi premier degré, donc j'ai plus envie. Ah, voilà. C'est beau. Ah, c'est beau. Ah, c'est la troisième fois qu'on enregistre cette intro. Hein. Oui. Je vais couper, on va la refaire une quatrième fois. Bon, oui, parce que. Ah, qu'est-ce qu'on s'en fout après, hein? Ah. Non, mais voilà, c'est coupé. Non, t'as pas coupé. Bah non, je veux plus. Putain! Ah, parce que j'allais dire, là, tu déconnes. Là, c'est bon, quoi. Parce que, une fois, je veux bien. Non, la première fois, c'était le gain du micro qui était trop haut. À la rigueur, deux fois. Deux fois, pourquoi pas, à la rigueur, deux fois, pourquoi pas. Bah, trois fois. Bah, trois fois. Bon, allez. À la rigueur, trois fois. Mettons que ça passe encore. Mais alors, quatre fois. Parce que là, quatre fois, on va dire qu'à la rigueur, on fera comme si de rien. Mais alors, cinq fois. Alors là, cinq fois, ça fait trop. Oui, sauf qu'on n'en serait qu'à la troisième, donc... C'était un tir préventif. Ouais. Non, mais voilà, c'était de la prévention routière. J'en ai marre de ce mec, je vous jure. Donc, mon petit Puck. Oui. Aujourd'hui, c'est une est un jour béni. C'est une émission dont on a parlé quand même assez. C'est une émission dont on a parlé un moment. Ah. Que moi je voulais faire depuis quelques temps déjà. Et qu'on peut enfin faire. Non. Ah bah si. Five Nights at Freddy's? Ouais, mais non. Ah bah là, je vois pas. Bah ouais, mais non. Je sais pas. Du coup, je t'avouerai que là, je suis dans le flou. Fluosidal. Ouais, je suis totalement d'accord avec toi. C'est un flou particulier. Ouais, je vois ça. Donc, non, ça va pas être FNAF. Pas encore, mais ça va venir. Je ne perds pas l'espoir, Ah. Je garde les pommes et je ne garde pas l'espoir. Oh putain. Ouais, moi, on m'appelle Jackie le classique de la blague. Ah ouais, mais non, là, c'est mauvais, là. Donc, aujourd'hui, là, on va parler de Undertale. Plus littéralement, sous les comptes. Sous les comptes. Oui. Sous les comptes. Oui. Ouais. Mais de façon très littérale, hein. De façon très, très littérale, parce que littéralement, ça veut dire les comptes du dessous. Enfin, les comptes en dessous. Moi, je fais du. Moi, c'est en vieux français. Ah. Donc, vieil anglais. Donc, littéralement, parallèlement ancien. Ouais, non, complètement. Complètement. Voilà. C'était à chier. Bah, écoutez, moi, c'est pas ma faute, hein. Moi, je suis quelqu'un de pragmatique. Oh, j'en ai marre de toi. Donc, ouais, Undertale, c'est un jeu que moi quand j'ai voulu le... enfin quand je l'ai fait je pensais qu'on allait le faire dans une émission bien spécifique qu'on a dit qu'on allait enregistrer un jour aussi un Puck. Oui. Une émission sur les jeux indés. Puisque Undertale est un jeu indé. Exactement, un D6 d'ailleurs. Putain, non mais j'en ai marre de ce mec. Donc c'est un jeu indé créé par une seule et unique personne. D'où le fait que c'est un jeu indé, parce que ça joue tout seul. Eh ben, pas forcément, parce que moi j'ai une amie par exemple qui est game designeuse, à qui je fais plein de bisous, des bisous à toi Flavie, et qui donc elle bosse dans un petit studio indépendant qui va sortir un jeu. Ils doivent être, je sais pas exactement, 5 ou 6 dessus. Ah, 5 ou 6 personnes sur le jeu, tu vois. Là, ça fait plus de dés déjà. Putain, mais je vais. vais tellement le frapper. Je vais tellement te casser la gueule. Je vais tellement te casser la gueule. Le mec, alors ce que vous ne voyez pas, moi je connais Puck. C'est ça qui est très intéressant. Je donc il n'a même plus besoin de le voir maintenant. Donc j'ai même plus besoin de le voir pour savoir que là, il est mort de rire et il se mord les lèvres pour ne pas rire ouvertement à l'antenne. Du moins, j'ai plus de facilité qu'avant à me retenir. Effectivement, c'est vrai. Vous allez entendre du bruit, c'est normal, je cherche un truc. Il cherche sa guite. Oui, mais pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui. Chaque chose en son temps, voilà. Donc, vous allez entendre du bruit, voilà, c'est ce qu'on appelle un bruit d'ambiance. Voilà, c'est un bruit. Voilà, ça, c'est j'ai pas pété, hein, c'est un. Non, alors moi je te dis, on a entendu un bruit de braguette, donc c'est bien ce que je disais, tu cherchais ta bite. Oui, mais non, bah alors, oui, mais alors là, dans le contexte, c'est marrant, parce que oui, il y a effectivement une mésentente par rapport à ça. Mais c'est pas du tout ça en fait. C'est presque pas ça. Non, mais oui, on aurait pu croire. Undertale, c'est pas un jeu malheureusement qu'on pourra faire dans une émission. Je pouvais pas me dire. Je pouvais pas penser le faire autrement que dans une émission à part. Je pouvais pas ne pas faire une émission spéciale Undertale. Pour moi, c'était pas possible, c'était pas concevable de faire une émission. Une émission qui regroupe plein de jeux, dont Undertale. Pour moi, Undertale doit avoir sa propre émission. À ce point-là ? À ce point-là. Parce qu'il y a énormément de choses à dire sur Undertale. Alors, on va déjà commencer avec l'histoire. Donc l'histoire nous parle de deux races qui étaient à la surface, donc sur Terre. Donc il y avait les humains et ceux qu'ils appellent les monstres. Et un jour, pourquoi, pour quelle raison, on ne sait pas, il y a eu une guerre. Les humains en ont eu marre des monstres. Et donc il y a eu une guerre, il y a eu des batailles que les humains ont gagnées, et ce qui a fait que il y a eu un espèce de génocide des monstres. Et les monstres restants se sont cachés sous la surface, ils se sont cachés sous terre, d'où le Undertale d'ailleurs. Ce qui ne veut pas dire sous terre, déjà c'est pas cohérent. Si, parce que Under c'est pour le en dessous, voilà, tais-toi, arrête de troller. J'aurais appelé ça dans ce cas-là Underground. Oui, mais non, parce que Under, c'est pour l'underground, et Tale, c'est le récit. Parce qu'elle est irrécidive ? Donc je vais te laisser faire l'émission tout seul. Non, donc du coup, ils se sont cachés dans les profondeurs, enfin sous terre. Voilà, ils sont cachés dans les profondeurs, dans les underground. Donc, plus ou moins, oui, les profondeurs en soi. Les souterrains. Et donc, ils attendent qu'une seule chose, c'est de pouvoir remonter à la surface. Pas forcément, pour se venger. Pas forcément pour se venger. Ils attendent de remonter à la surface pour reprendre une vie à la surface. Ce qui n'est pas forcément plus mal, hein. C'est normal. C'est vrai qu'au bout d'un moment, quand tu vis dans la cave, t'as beau avoir le syndrome de Stockholm, t'as quand même envie de revoir l'extérieur. Donc je sais pas si on peut avoir le syndrome de Stockholm dans une cave. Oh si, largement. Si. Oui, mais si t'es tout seul dans une cave et qu'on t'a pas obligé à y aller, tu peux pas avoir le syndrome de Stockholm. Bah, alors en fait, on les a pas obligés à y aller, on les a quand même un peu obligés à y aller, c'est-à-dire que techniquement ils sont allés se planquer dans les souterrains, mais derrière ils ont été bannis et il y a eu un sort qui a été mis, une barrière magique qui les empêche de remonter, tout simplement. C'est pour ça qu'ils sont toujours pas remontés. C'est qu'il y a une barrière magique qui les empêche de remonter. D'accord, une sorte de protection, de mur invisible, quoi. Voilà, c'est ça. Et c'est un mur, mais qui est pas invisible du tout. C'est un mur qui est pas invisible du tout, puisqu'on le voit, dans le jeu, mais bref. On y reviendra, j'allais dire dans le film en plus. Il y aura peut-être un film, on sait pas. Je pense pas. Je pense pas. Ils attendent de remonter à la surface, voilà, blablabla, il y a une histoire d'âme, tout ça, ça on y reviendra plus tard. Et donc, on contrôle un personnage, alors sur Wikipédia c'est marqué il, je vous donne pas son nom tout de suite parce que justement le nom du personnage est très important dans le jeu, il a une importance qui est presque capitale, on y reviendra. Sur Wikipédia, c'est marqué humain androgyne incarné par le joueur. Il porte un pull rayé bleu et magenta et a le pouvoir de changer. Bref. Mais c'est peut-être un il parce que c'est il ce personnage. Ouais, mais alors moi, sincèrement, je l'ai considéré dans mon playthrough. Puisque j'ai fait un jeu complet d'Undertale. Je l'ai considéré comme une femme. Pour moi, c'était une petite fille. Puisque on joue un enfant. Je l'ai considéré comme une petite fille. Après, chacun sa vision des choses, c'est marqué androgyne. C'est vrai qu'il n'y a pas de sexe, il n'y a pas de genre. Indication claire, en fait. Voilà, il n'y a pas de genre âge. C'est-à-dire qu'ils ne disent pas petite fille, petit garçon, petit. Non, c'est juste humain. La plupart des personnages appellent le nôtre humain. Juste humain, rien de plus. Ce qui laisse une interprétation complètement ouverte au final sur le genre du personnage. Et moi, j'ai considéré que c'était une petite fille. Après, si vous voulez le voir comme un petit garçon, si vous voulez le voir comme même un personnage à genre, puisqu'au final, c'est presque ce que le créateur nous dit, que c'est un personnage qui est à genre, vous pouvez le faire. Il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas de truc qui vous dira oui c'est un garçon, oui c'est une fille, oui, non, il n'y a rien. Et j'ai trouvé ça super cool. Bah, c'est peut-être voulu dans le sens où c'est de façon à ce que ce soit un garçon ou une fille qui joue, tout le monde puisse se reconnaître dans le personnage. C'est ça, et c'est une manière pour le créateur de montrer aussi qu'il est très ouvert d'esprit. C'est vrai qu'on a énormément tendance à genrer les choses et par exemple ce serait facile si c'était un garçon de se dire bah voilà c'est un garçon donc il faut que je combatte, il faut qu'il soit brave, il faut qu'il soit ou si c'était une fille de dire ah bah oui mais alors c'est une fille donc il faut qu'elle soit plus clémente, elle peut pas se battre parce que vous savez les filles. Donc je pense que pour lui c'était genre voilà c'est un personnage à genre, ce n'est ni un garçon ni une fille, vous en faites ce que vous voulez, ça peut être n'importe qui, n'importe quoi. Et moi, je trouve ça super cool. Je trouve ça vraiment super cool, quoi. En tant que... C'est pas une mécanique de gameplay, mais presque, au final. Ça en devient presque une mécanique de gameplay par le fait que... tu peux en faire ce que tu veux. Et justement, il y a une mécanique de gameplay qui est liée plus ou moins à ça, dont on reviendra un peu plus tard. Bref. Donc, ce personnage... qu'on va appeler, alors pour le coup, dans mon playthrough, bon, je pense que, Puck, tu as vite compris comment s'appelaient tous mes personnages dans tous les jeux que je fais. Bobby Michel. Bobby. Juste Bobby. Ah, je sais pas pourquoi j'ai Bobby. Oui, Bobby, je sais qu'il y avait un Bobby, mais je sais pas pourquoi Michel. Ah, Michel, c'est très souvent le méchant. Ah. Michel, je crois que c'était le nom de mon Pikachu dans Pokémon Jaune. Je crois que je l'avais appelé Michel ou une connerie du genre, enfin bref. Et du coup, comme moi j'ai considéré que c'était une petite fille, je l'ai appelée Bobette. Ou Bobby avec un E. Ah non, juste Bobette. Bobette. C'est Bobette. Et donc ce personnage est à la surface et donc monte. Donc ça c'est résumé par une courte cinématique au début. Monte sur une montagne d'où on dit que personne n'est revenu. Et elle trouve un immense cratère. Un espèce d'immense cratère. Ok, et alors qu'elle se penche, il ou elle, on va dire Yel d'ailleurs, pronom neutre pour ceux qui ne le savent pas, quand on n'est pas sûr, quand on ne veut pas genrer une personne ou quoi, on dit Yel ou et lui. Je trouve que Yel est plus classe. Juste oui, parce que lui, ça fait un peu nom de crustacé. Et lui, ça fait un peu nom de crustacé, on est d'accord. Je trouve que ça fait pas harmonieux, tu vois, Yel, ça passe très très facilement dans la bouche, c'est facile à articuler, c'est facile à dire. Et lui, c'est pour ça que j'appelle mon Zizi Yel. C'est pour ça que t'appelles ton Zizi Yel. Et c'est par rapport à la chanteuse. Je vais plus l'appeler Yel alors. Voilà. Donc, Yal tombe dans les souterrains, en fait, et se réveille dans les souterrains, et l'histoire commence là. Et je vais pas aller plus loin pour le coup. Parce que ça devient très vite du spoil, en fait. C'est ça le problème, c'est que ça devient très vite du spoil, et j'ai pas envie de spoiler ça. Il y a des trucs, j'ai pas envie de les spoiler, donc du coup, on va pas, je vais pas le faire. Ah mais je suis un peu obligé quand même, en fait, merde. Pour parler des mécaniques de jeu, ça. Et un peu des personnages aussi. Ah merde. On va commencer très vite. Donc en arrivant, le personnage se retrouve face à une toute petite fleur, toute mignonne. La toute petite fleur toute mignonne qui nous dit « Ah là là, t'es tombé dans les souterrains, c'est pas cool. Écoute, je vais t'expliquer un peu le principe de ce monde. Donc moi, je suis une gentille fleur, je vais pas te faire de mal. Mais il y a plein de gens là-bas qui veulent ta peau, qui veulent te voir mort ou morte. Et donc, ce qui va se passer, c'est que je vais t'apprendre à te battre. Enfin, je vais t'expliquer, il y a dans ce monde, il y a ce qu'on appelle le love, donc ça, on y reviendra. Donc c'est une fleur qui t'apprend à te battre. En fait, pas vraiment. C'est-à-dire que elle nous apprend pas à nous battre, elle nous dit dans ce monde, il y a du love. Du love, genre love, L-O-V-E ? L-O-V-E, hein. D'accord. Mais je dis bien love parce que ça aura du sens plus tard. Il y a du love. C'est ce qui permet de survivre. Je vais t'envoyer du love. Tu vas le récupérer avec ton cœur. C'est-à-dire que, pour vous expliquer, dans les batailles, vous avez un petit carré ou un petit rectangle ou un rond. Enfin bref, la forme et la taille de la zone des déplacements changent. C'est un RP. Pour bien expliquer les combats, Undertale est un RPG à l'ancienne. Putain, il y a des chiens qui se battent de ton côté. Oui, non, mais il y a des chiens qui se battent et il y a un mec qui fait les travaux en plus. Ah, génial. Et ah, oui, bonheur. Bonheur. Donc oui, vous avez un petit carré, une petite zone en fait où vous allez vous déplacer. Donc je sais pas si tu vois un peu les premiers Dragon Quest Puck. Difficilement. Hein. C'était ce système de jeu où tu as un écran fixe avec les personnages et puis tu fais tes actions. Et puis tu vas avoir, par exemple, si tu fais taper, tu vois une espèce d'étoile qui apparaît au niveau du monstre pour dire vous l'avez touché, puis il y a écrit vous avez fait 15 points de dégâts. Oui. Le système de jeu est plus ou moins comme ça, c'est-à-dire qu'Undertale, vous avez un écran fixe, vous avez le combat, l'action, les items et la pitié. On y reviendra plus tard. Mon cerveau décède. Quand on vous envoie une attaque, quand on vous attaque ou quoi que ce soit, ou quand on agit avec vous, un truc genre en combat, hein, bien entendu, vous avez le symbole d'un cœur qui représente votre personnage. Et voilà, il se passe des choses dans la zone où vous êtes. Et donc, la petite fleur qui s'est présentée en tant que Flowey nous envoie plein de petites boules blanches en nous disant récupère-les, c'est du love, ça va te rendre plus fort ou forte. Et donc là, en tant que joueur normal, qu'est-ce qu'on se dit? Bah tiens, c'est vachement cool, je vais récupérer les petites boules de love. Voilà, je vais bien récupérer les petites boules de love. Et au moment où vous touchez une boule, vous perdez de la vie et la fleur devient un peu plus maléfique. Et elle vous regarde, elle fait non mais t'as cru que c'était quoi? T'as cru que j'allais être gentil avec toi? Mais t'as fumé quoi toi? Tu t'es pris pour qui? Dans ce monde, y a pas de gentil, hein. On est tous méchants et on va tous te tuer. Et elle nous envoie une attaque. Donc on a bien compris que les petites boules blanches, en fait, c'est les attaques. Je sais pas pourquoi je le sentais arriver, le coup de la fleur qui te la met à l'envers. Ah mais c'est ça, mais moi je le voyais pas parce que c'est un jeu qui est très pipou. Genre Benny Oui Oui Bisou Love. Genre, non, genre mignon. Genre, c'est très mignon. Tu vois, les graphismes, tout est mignon. Tu vois la fleur. Enfin, très sincèrement, moi, je vais pas vous mentir. Je n'avais pas regardé de Undertale avant d'y jouer. Je refusais, je savais. Putain, je suis désolé, je suis en train de m'étouffer. Je savais que c'était un jeu qui jouait énormément sur la découverte. Et du coup, je me suis dit, je vais pas en regarder. Alors que j'aurais pu, hein. Isan Gwen avait fait du Undertale. Et tout, donc j'aurais pu facilement regarder. Tout ce que je savais, c'est qu'il y avait au moins deux fins. Je savais qu'il y avait au moins deux fins au jeu. On y reviendra. On y reviendra à ça. Mais c'est vraiment tout ce que je savais sur le jeu. Non, moi j'ai vu la fleur. La première chose que je me suis dit, c'est j'ai envie de lui faire un câlin. Oh oui. Oh, je suis trop mignon. Je suis trop choubi. Et en fait, non. Elle nous attaque et c'est la merde. Et au moment où... Parce qu'elle continue à nous attaquer, elle en dit putain, je vais mourir, je veux pas mourir. Et au moment où donc elle envoie une espèce de vague de boules qui se rapproche, et au moment où ça va nous toucher, elle disparaît. De quoi, les boules ou la fleur? Les deux. D'accord. Les deux, on la voit partir par le côté. Et là on se dit ok, d'accord. Et on voit le personnage, peut-être le personnage le plus choupipou, deuxième personnage le plus choupipou du jeu. Donc il doit être un gros fils de pute lui aussi. Non, pas du tout. C'est une espèce de chèvre. je pense, t'as regardé de toute façon la première VOD au moins. Je t'ai dit, j'ai regardé sans regarder, donc j'ai pas tout retenu en fait. D'accord, c'est la petite chèvre, la petite chèvre en toge en fait. Ah oui. Ok, c'est ça, je la remets un peu, ouais. Voilà, qui arrive pour te dire tu t'es fait baiser. Mais on n'est pas tous comme ça, vas-y, suis-moi. Oui, mais toi, vu que tu étais pas trop chaud, quoi. Si, parce qu'en fait, elle est vraiment très très chou. Elle est vraiment très très chou, mais pas dans le genre de Flowey. Tu vois, c'est pas un design mignon. C'est-à-dire qu'en soi, Toriel, elle est quand même assez moche. C'est une chèvre. Une chèvre, c'est pas ce qu'il y a de plus esthétique, quoi. Une chèvre, c'est pas ce qu'il y a de plus esthétique. Et justement, elle est très... alors, moi, ce que je lis et qui est vrai, puisqu'elle a acquis un surnom parmi la communauté de fans, c'est qu'elle est très maternelle envers le joueur et le personnage. Et donc, ça lui a donné un nom que je pense que les gens, de toute façon, vont avoir dès le moment où j'ai dit Toriel, vont avoir spammé dans le chat. Ils l'ont appelé Mamagot. Maman chèvre. Parce que la plupart des joueurs, moi compris, on la considère un peu comme la maman du personnage. C'est la maman. C'est le personnage maman. Et donc elle nous ramène chez elle. Elle commence par déjà nous expliquer les bases du combat. Et surtout nous dire, ce qui est très intéressant, c'est que elle dit, quand t'es en combat, t'es pas obligé de te battre. Tu peux agir et diffuser en fait l'agressivité d'un monstre, ce qui en soi est vachement cool. Alors désolé, hein, j'ai allumé ma DS, il faut que je récupère un Pokémon. Je pense savoir lequel. Jirachi. Voilà. Je l'ai récupéré sur ma version Ruby Omega. Là, je la récupère sur X. Donc, diffuser les monstres. Voilà, diffuser les monstres en agissant. Et donc, elle nous met face à un petit, comment on appelle ça, un demi. Un mannequin. D'entraînement. Un mannequin d'entraînement. Et on se dit, bon bah, he's ok, he's cool quoi. He's cool. Et bon, moi, alors, je sais pas exactement ce que moi j'ai fait, puisque j'y ai joué en. J'ai commencé à y jouer en stream. J'ai commencé à y jouer en stream, j'ai fait peut-être les 3 premières heures de jeu en stream. Et il y a eu un gros problème. Il y a eu un gros problème, c'est que les gens du stream, je leur demandais explicitement de ne pas spoiler. Parce que je ne voulais rien savoir du jeu. Et ils ont commencé à faire les gros crevards. Ils n'ont pas arrêté de spoiler. Mais vraiment pas arrêté, ils ont fait que ça, que ça, que ça, que ça. Ils voulaient par exemple, un très, très, très gentiment, hein, me donner le vrai nom du personnage. Ce qui en soi n'est pas un souci. Ce qui en soi n'est pas un souci. Le problème étant que le vrai nom du personnage déclenche le hard mode du jeu. C'est-à-dire? Bah, c'est-à-dire que bah, tu vois ce que c'est un hard mode. Oui, mais comment ça peut déclencher le hard mode du jeu? Bah, en fait, tu sais, c'est un peu comme Zelda. Ouais. Legend of Zelda, je crois que c'est dans Link's Awakening. Si tu appelles ton personnage Zelda, justement, ça déclenche un espèce de dialogue, je crois, qui te fait un truc du genre « Mais non, mais vas-y, mais tu te trompes !» Parce que tu joues pas Zelda, tu joues Link. Tu vois, c'était un petit, oui. Un petit easter egg. Il y a plein d'easter eggs en réalité comme ça dans l'histoire des jeux vidéo. Si tu appelles tes personnages de certaines manières, dans certains jeux vidéo, ça déclenche bah là par exemple un hard mode où le jeu devient donc plus difficile. Ça peut déclencher des animations spéciales, ça peut déclencher des choses spéciales au niveau du jeu. Tu vois le truc? Oui, je vois. Et le vrai nom du personnage qui nous est donné donc à la fin du jeu, donc on en parlera à la toute fin de l'émission, déclenche le hard mode de Undertale. D'accord, sympa. Donc si tu veux, on m'a donné le nom du le vrai nom du personnage. On m'a donné le vrai nom du personnage au tout début du jeu en me disant hey, appelle-le comme ça. J'ai fait je sais pas si. Et là il y a des gens dans le chat qui m'ont dit non, le fais pas. Ils m'ont dit le fais pas, ça va te le mettre en hard mode. Boum. Donc là tu fais putain les mecs, vous êtes sérieux? Je dis ne me spoilez pas directement, alors là faut que tu fasses ça. Non, je crois que t'as pas compris. Ne me spoilez pas. Ouais mais là faut que tu fasses ça. Non, je crois que t'as pas compris. Ne me spoilez pas. Oui mais alors là, ok très bien, je joue en ligne. C'est ce qui a fini par se passer. J'ai fini par me casser et aller jouer en ligne en fait. Parce que pour moi le jeu était trop important pour... Pour que je me le fasse spoiler, quoi, en soi. Alors, petite question, disponible uniquement sur PC? Disponible uniquement sur PC, oui. D'accord. C'est assez... dommage, j'ai envie de dire. Mais oui, disponible uniquement sur PC. Après, c'est pas un gros jeu. C'est vraiment un tout petit jeu. C'est des anciens graphismes. Oui, bah c'est ce que j'ai pu voir, oui. Donc, même sur ton PC, il tournerait. Même sur ton PC, il tournerait. Ne parlons pas trop vite. Ah si. Faudrait que t'aies un PC de 1995 pour qu'il tourne pas. Et même sur un PC de 1995, je pense qu'il tournerait, tu vois. Attends, parce que Game Developer Tycoon, il arrive à le faire ramer quand même, hein. Oui, mais Game Dev Tycoon, même sur mon PC, il rame. Donc, ne parlons pas trop vite. Voilà. Je préfère ne pas me prononcer avec mon PC. Je pense que... Enfin bref, on en parlera... on en parlera... En privé. Bref. Donc oui, le dummy, j'ai pas su trop quoi faire. C'est pas grave, j'ai fait genre... oui, bon, voilà. Je vais me démerder. Ce qu'a fait que en fait le au bout d'un moment en fait moi je faisais merci. Donc merci c'est dire pitié. Hein. Et donc la merci ça permet de renvoyer, enfin de dire à un monstre vas-y je te laisse partir. Et si le monstre est dans les bonnes dispositions, il s'en va. Pour arriver à la merci, il faut agir. Il faut faire des actions qui sont différentes selon chaque personnage ou boss. Parce que tu peux soit les défoncer, soit leur dire vas-y, dégage. Parce que tu peux soit les défoncer, soit leur dire vas-y, dégage. Exactement. C'est exactement ce qui se passe dans le jeu. Tu peux être gentil avec les monstres. J'aime pas trop les appeler les monstres, moi, personnellement. Je trouve ça très péjoratif, le terme monstre. Avec les tu peux être gentil avec les personnages qui vont vouloir te mettre sur la tronche. Voilà. Enfin, il y a quand même des monstres, mais ben, bref. c'est spécial. Donc, ce que je disais, oui, vous avez moyen de donc, enfin, faut agir. Par exemple, un des personnages les plus connus, c'est Aaron, qui est un mob classique, quoi. Si on le trouve dans la première, on le trouve un peu partout. Et Aaron, pour le battre, il faut flexer, tu vois, genre montrer ses muscles. Il faut montrer ses muscles. Attends, quoi, je reprends le truc. Les systèmes de combat, parce que ça, j'ai pas vu. Le système de combat, en fait, c'est pas genre des coups, c'est des actions. Il y a les deux, c'est-à-dire que tu as le système de coups, tu frappes des ennemis. Ouais. Et tu as le système d'action. Et en fait, chacun va te faire. Alors, je vais être obligé de. Bah, là, du coup, de spoiler. Hein. Je suis absolument désolé. Est-ce que sinon, c'est compliqué de comprendre le système de jeu un peu, hein. Sinon, c'est compliqué de comprendre le système de jeu. En fait, il y a donc le. Il y a les coups. Si vous donnez des coups, vous tuez les monstres. Si vous tuez les monstres, eh bien, vous avez la mauvaise fin. La mauvaise fin ou la fin neutre, en réalité. C'est assez. J'ai envie de dire assez horrible. C'est assez horrible parce que. Enfin, on en parlera plus tard. Par contre, si vous faites des actions et que vous tuez aucun monstre, vous avez la meilleure fin. Et donc, en fait, c'est un jeu qui va à l'encontre de tous les principes qu'on a dans les RPG depuis des années et des années. C'est-à-dire que quand on joue à un Final Fantasy ou à un Dragon Quest ou ce genre de jeu, ouais, on n'a pas la première chose à laquelle on pense, c'est pas de se dire « Ah bah tiens, lui, il est cool, je vais l'épargner. » Tu vois ? Tu penses pas épargner les ennemis, tu penses directement bon bah c'est un ennemi, je vais le tuer. Tu penses d'abord à le défoncer pour récupérer les points d'XP, quoi. Voilà. Et il y a de l'XP dans ce jeu. Il y a de l'XP dans ce jeu, mais on en parlera encore une fois un peu plus tard. Parce que c'est un principe un peu étrange que moi j'ai eu un peu de mal à comprendre au début. Mais bon, bref. Donc XP, love, tout ça, voilà. Vous avez moyen donc de, comme on l'a dit, d'épargner les monstres. Moi, c'est ce que j'ai fait. Du début, plus ou moins, enfin, pas plus ou moins, littéralement du début à la fin, c'est ce que j'ai fait. J'ai complètement sauvé, entre guillemets, tous les monstres. Ce qui donne un espèce de sentiment d'accomplissement quand même. C'est-à-dire qu'on arrive tout nu devant le boss final. Mais on se dit au moins je suis quelqu'un de bien. Et voilà, bon bref, j'ai pas trop compris au départ ce qu'il fallait faire. On a fini par me dire oui mais non mais faut faire ça. Donc j'ai regardé, j'ai fait ah ouais faut faire ça, ouais ok. Et bon bah voilà, ça a été assez simple pour la fin. Et donc qu'on est bien passé, j'ai envie de dire, qu'on a compris comment se faisait le combat et surtout comment se faisait le combat sans tuer les ennemis, on a donc Toriel qui nous ramène à sa maison. C'est sympa, hein, c'est cool, une petite maison. Elle nous dit voilà, tu as ta chambre, tu as ceci, tu as cela, tu vas être heureuse maintenant. Enfin, tu vas être heureux ou heureuse, tu vas vivre avec moi. Alors, comment t'expliquer, Madame Toriel ? Hein, tu as beau être ma maman, chèvre, je ne veux pas rester ici. C'est pas que je t'aime pas, Mais j'ai une vie, une famille, des amis, et j'aimerais bien remonter à la surface. Ce qui, je pense, est en soi assez logique. Sauf que, elle veut pas trop nous laisser partir. Elle est pas trop d'accord pour qu'on parte. C'est un peu une espèce de prise d'otage. C'est un peu une espèce de prise d'otage en soi. Sauf que du coup, on va arriver jusqu'à la porte. La porte qui mène à l'extérieur. Et là, on va avoir. Alors il y a tout un passage quand même où elle nous fait passer à travers les souterrains. C'est pour nous expliquer un peu que le jeu sera plein d'énigmes en fait. C'est un jeu qui joue énormément avec les énigmes. Bon, ça c'est très cool, mais c'est pas quelque chose que je dis forcément, parce que pour moi c'est pas un truc absolument essentiel, mais bref. Puis surtout les énigmes qu'il propose, c'est pas non plus. Ça casse pas trois pattes à un connard. Donc, je regarde l'heure aussi, parce qu'il faut qu'on fasse attention à ce que ça dure pas trop longtemps. Ça risque d'être compliqué autrement. Ça risque d'être compliqué autrement, très exactement. Donc le comment il y a le blablabla à peu près. Non mais voilà, on passe dans le on va voir justement comment elle s'appelle déjà Euthoriel. Et puis on va la voir à la comment à la on va la voir à Hein? la porte. Voilà, je suis désolé, Ah. j'ai un petit peu de mal là, je commence à avoir mal au crâne un peu. On va la voir à la porte, elle nous laisse pas partir, on lui casse la gueule. À la chèvre? Ah bah oui, on n'a pas trop le choix. Alors que On je n'a savais pas bien qu'il y trop. avait un tourloupe avec la chèvre. Mais non, mais en fait, c'est juste qu'elle veut pas nous laisser partir. C'est juste qu'elle veut pas nous laisser partir. Et casse-couille, et Donc au bout d'un casse-couille. moment, quand on te laisse pas partir, toi tu dis ok, je vais me barrer moi-même. T'es un peu obligé. T'es un peu obligé de finir par te casser toi-même. Donc du coup, on finit par partir. Et c'est pas vraiment on lui casse la gueule, mais c'est qu'on se bat avec elle pour justement pouvoir partir. Et elle fait tout ce comment? C'est vraiment le combat qui montre le acte pour la première fois du jeu parce que vous allez lui parler juste, mais en fait ne pas agir. Vous n'agissez pas et le jeu vous. Pas vous récompense, mais c'est-à-dire que elle vous attaque avec ses larmes en fait. Ah oui, pour ne pars Voilà, pas. c'est ça, c'est exactement ça. C'est ne pars pas, je t'aime, je serai une meilleure mère. Et nous, on n'agit pas. Et elle comprend pas, elle nous dit mais agis, fais quelque chose. Et sauf que nous, on veut pas. Et au bout d'un moment, elle fait ok, je comprends. Et le combat est fini. Moi, je trouve ça assez ouf quand même d'avoir un système de jeu qui est à ce point-là, tu vois. Et puis bon, une fois que c'est fini, on va partir. Et puis on se barre de la maison et puis on va explorer un peu les souterrains et on va rencontrer d'autres persos, dont le premier perso, le perso. Le perso, je t'en ai parlé la dernière fois qu'on a enregistré Puck. Oui, le Dark Fort. Voilà, donc juste pour vous expliquer, je vais vous le faire extrêmement roleplay. Donc en vous racontant réellement la façon dont ça se passe. Ce qui rend la chose encore plus magique, je Ce qui rend trouve. la chose encore plus magique. Donc, si vous l'avez pas vu. Et que vous avez envie, que vous n'avez pas envie d'être spoilé, on a oublié de dire ça. Hein. Là, pour le moment, on n'a pas spoilé, on arrive vraiment dans les semi-spoilers. Mais si vous l'avez pas vu, que vous voulez pas être spoilé, allez regarder les vidéos sur la chaîne YouTube. Je suis très sérieux en disant ça, c'est très important. Si vous le faites pas, vous risquez d'être dans la merde. Bref. Donc, on sort une grande forêt, un chemin. Vous avancez, quand vous avancez, ça vous arrive, bon moi ça m'est arrivé de regarder littéralement dans les herbes pour regarder, et puis vous voyez des caméras. Puis il y a du bruit quand vous avancez. Du bruit qui vient des herbes, des plantes. Vous avez l'impression qu'il y a quelque chose qui vous suit. Continuez d'avancer. Puis d'un coup, vous arrivez devant un pont. Un tout petit pont qui traverse un petit ravin qui mène de l'autre côté du chemin. Et là, vous dites, bon bah ça va, on va continuer d'avancer. Sauf qu'en avançant, votre personnage s'arrête devant le pont. Il ne bouge plus. Et de derrière vous arrive une silhouette humaine. Complètement noire. Qui vous regarde. Qui s'approche de vous par derrière. Sans faire un bruit. Et elle se met à vous parler. À vous dire que c'est dangereux d'être ici. Qu'il faut pas être là. Qu'il vaudrait mieux partir. Mais que bon, elle est notre amie. Et qu'on ferait mieux de se retourner pour lui serrer la main. Et à ce moment-là, le personnage tend la main vers nous. Notre personnage se retourne. Yael tend la main. Lui serre la main. Et à ce moment-là, on découvre donc le personnage qui était derrière nous, qui est Sans. Un squelette avec une parka bleue. Et au moment où on lui serre la main, il y a un prout. En fait, c'est... Le genre de moment où j'ai envie de dire je sais pas quoi faire, c'est vraiment vous serrez la main du personnage. Et là, ça fait... Ça pète quoi. Mais pendant très longtemps. C'est pas genre juste... Et c'est fini. Non, non, c'est un énorme pet qui dure très très longtemps. Mon dieu. Avec juste derrière Sans qui fait... Le coup de la main qui pète, un classique. Et là, tu fais... Mon dieu. Quoi ? C'est pour vous dire une petite blague qui vient après dans le jeu. À un moment, donc, Sans est avec un autre personnage, dont on parlera un peu plus tard. Sans est avec un autre personnage et ils sont en train de parler. Et Sans lui fait I must go now. I have a ton of work to do. A skeleton. Pour ceux qui n'ont pas compris. Cette blague, parce que c'est une blague, en fait elle est impossible à traduire en soi. Elle est impossible à se traduire. C'est en gros, il dit j'ai une tonne de boulot à faire. Une skeleton, sachant que skeleton c'est dire squelette. Je pense que là-dessus on est tous d'accord. Sauf que le mot est divisé en deux, skele pour squelette et tonne pour vraiment la tonne de travail à faire. Et au moment où il fait cette blague, quand même, il y a un zoom du jeu sur son personnage et il y a un badumt. C'est pour vous dire à quel point le créateur du jeu considère lui-même que ses blagues sont à chier. C'est pour vous dire à quel point lui-même s'est dit en écrivant cette blague, il a dû se dire « Bordel, c'est trop mauvais, je peux pas faire ça. » Mais il l'a fait, voilà le genre de personnage qu'on rencontre. Bon, sur ce, on a quand même un peu avancé. On va continuer un peu, mais juste après la pause. Oui. Je suis désolé, j'ai beaucoup trop mal à la gorge. Là, je suis obligé d'aller. Je vais aller boire un coup. J'ai beaucoup trop mal à la gorge depuis tout à l'heure. Donc voilà, on se fait une petite pause musique et on revient tout de suite après. Pour spoiler sur Undertale, parce que voilà. Donc à tout de suite les gens. Ouais, tout de suite. Donc là, je lui dis, Mais c'est pas que j'aime pas ta gueule ni ton caractère, mais c'est que j'aime pas. Ça, c'est ça fait comme un sort de répulsif, tu vois. Ouais, non, mais ouais, je comprends. Ok. Mais tu sais qu'on est à l'antenne. T'es au courant? Ah non, moi je suis à Rouen. Peut-être que tu es à l'antenne. Ça, c'est... Oh putain! Oh mon dieu! Oh, j'en peux plus de ce mec. Et oui, non, mais c'est auteur-compositeur. Ah oui, ah là, complètement. Complètement. Voilà. Complètement. Travail maison, je ne passe par personne d'autre. Donc oui, on est revenu. Oui. On est revenu à l'antenne, elle était bien la musique. Hein. Oui, alors ce qui est marrant, c'est qu'on dit on est revenu comme si on était parti pendant longtemps. Pendant une demi-heure, ouais. Oui, alors, pour vous, non. Pour nous, oui. Oui. C'est un principe, c'est compliqué, c'est un truc temporel, c'est pas évident à gérer, en fait. C'est, voilà, on est plus proche du sol que vous, en fait. C'est la relativité. Voilà, c'est ça, c'est relativement vrai en fait. C'est la relativité. Bref, donc on en était sur quand même pas mal de petits trucs assez intéressants. À partir de maintenant, ça va spoiler. Ça va spoiler sa mère comme ça a jamais spoilé sa mère. Ça va spoiler sa mère comme ça a jamais spoilé sa mère. Donc si vous n'avez pas fait Undertale, arrêtez-vous ici, mettez en pause. Si vous êtes sur la radio, ben vous écouterez la fin du podcast. Si vous êtes sur le podcast, et ben vous pouvez le mettre en pause et revenir plus tard. Après avoir maté le Undertale d'Undertale, hein, tout simplement. Bah tiens, c'est pas une mauvaise idée ça. Bah oui. Ouais, heureusement que je suis là pour avoir des bonnes idées, parce que sinon, on n'irait pas loin. Ouais, ouais, on va dire ça. Comment donc ouais, voilà, si vous n'avez pas vu Undertale, pour moi, c'est un jeu qui est à faire. C'est-à-dire que... Alors, je sais pas ce que ça fait de le regarder, parce que moi, j'ai pas regardé... de run du jeu sur YouTube ou quoi... Soit vous y jouez, c'est un jeu qui est pas dur à trouver, il coûte que 10€ sur Steam. C'est raisonnable. Soit il y a d'autres moyens de le trouver, c'est assez facile, donc vous en faites pas pour ça. Ne vous en faites pas pour ça. En tout cas, voilà, on vous a laissé un petit peu de temps. Maintenant, on repart sur donc Undertale. Undertale, donc, on en était. Je réfléchis. Alors, si je dis pas de bêtises, on parle, je crois, de Crescent. Voilà, c'est le péteux, c'est ça? C'est le pétoman. Voilà. Donc, Sans qui nous dit bon, je suis gentil, moi je te ferai pas de mal, mais quand même, faut que tu te méfies de mon frère Papyrus. Et puis, il y a une recherche au niveau des noms. Non, mais tu comprendras en fait. Il y a une recherche au niveau des noms. Sans et Papyrus, ça ne te dit rien du tout. Bah, Sans, c'est le sable? Non, c'est Sand, le sable. Ah merde. Là, ça s'écrit comment? S-A-N-S. Sans Papyrus? Non. Mais non. Non, en fait, Sans, c'est pour comics Sans MS. Et Papyrus, c'est une police d'écriture. C'est deux polices d'écriture qui sont utilisées pour... Sans, sa police d'écriture, c'est le comics Sans MS. Et Papyrus écrit en Papyrus. Oh putain. Voilà. Bon, c'est déjà mieux que si on s'était retrouvé face à un vieillard avec un accent, déjà. C'est quand même un peu ça, hein. C'est quand Parce même que un c'est, peu... un, c'est un vieillard avec un accent, Papyrus. C'est deux squelettes, en fait. Oui, donc c'est déjà plus recherché de jouer avec le... Donc tu sais pas trop... Voilà, bref, il nous dit que... Il faut faire attention à son frère Papyrus, parce que Papyrus a une tendance à vouloir capturer les humains et les amener au roi. Il doit avoir un super prénom lui aussi. On en parlera un peu plus tard. Donc on nous explique très rapidement aussi On nous explique très rapidement que la barrière qui empêche les monstres donc de sortir peut être brisée. Elle peut être brisée. Mais que pour ça, eh ben, il faut l'âme de 7 humains. Ce qui est quand même un peu moins cool. C'est moins sympa. C'est pas super méga cool. Il aurait fallu 8 bols de lait, déjà ça aurait été mieux. Voilà, et on nous explique que le roi en a déjà 6. Il a pas perdu de temps le cochon. Que le roi a déjà 6 âmes humaines et que donc il cherche à avoir la dernière, la 7e, pour pouvoir faire sortir les monstres et prendre sa revanche sur les humains. Je sens que la cité même, ça va être pour notre gueule. Donc là, on se dit, ok, je suis dans la merde. Le roi veut ma peau, je suis foutu. Et donc, en avançant, on rencontre Papyrus. Bon, c'est vraiment pas... ça casse pas trois pattes à un canard, on va dire ça comme ça. C'est de l'entrée de gamme, quoi. C'est le connard de base. Non, c'est au contraire, c'est un personnage qui est très... très pipounet aussi, qui est très très choupi, très mignon, très très gentil. Et ça fait des grosses blagues un peu débiles du genre comment on a un espèce de parterre de comment ça s'appelle de bordel de merde de fleurs. Non, de neige. Il nous dit c'est un labyrinthe, il faut que tu le traverses, mais si tu marches pas aux bons endroits, tu risques de mourir. C'est rassurant ça déjà. Et sauf qu'il se rend compte, il essaye d'activer le labyrinthe et il se rend compte que ça ne marche pas. Et il se dit merde, j'ai laissé le switch, l'interrupteur de l'autre côté du labyrinthe. Donc il fait le chemin du labyrinthe. Il active l'interrupteur et refait le chemin du labyrinthe, donc ce qui laisse une grosse trace dans la neige. Il nous dit, allez, à toi maintenant. Mais complètement con. Ben oui, mais justement, tous les personnages de ce jeu sont extrêmement cons. Tous les personnages de ce jeu sont ridiculement débiles. Là, oui, quand même, hein, y a une dose. Hein. Mais c'est pour ça que c'est génial, en fait. C'est parce que en soi, ce serait un labyrinthe comme ça, ce serait chiant. Je pense que t'es d'accord avec moi, ce serait ultra casse-couille. Oui. Enfin là, c'est pas. Je me dis, c'est pas compliqué quoi. Voilà, c'est. On nous fait aussi. Enfin, c'est assez. En fait, c'est très mignon et très débile et voilà. C'est très spécial en soi. C'est très spécial en soi, mais c'est vraiment génial. Enfin, moi j'aime beaucoup. Moi j'ai adoré le perso. J'ai adoré tous les persos en fait. C'est ça qui est génial. C'est ça qui est super dans ce jeu, c'est que tous les persos sont attachants. Enfin bref, on continue. Donc on nous explique que Papyrus travaille avec un personnage qui s'appelle Undyne. Alors moi je l'appelle Undyne. U-N-D-Y-N-E. U-N. D-Y-N-E, moi j'ai toujours prononcé ça Undyne, c'est peut-être Undine, je ne sais pas, je prononce ça. Undin ? Non. Non. Non. Et donc, bah voilà, c'est vas-y, tu vas. Si Undyne te capture, t'es dans la merde, quoi. Et en gros. Ah, au moins, il prévient. Voilà, au moins il prévient. Moi je trouve ça, j'ai trouvé, il y a des trucs que j'ai trouvé très mignons. Donc une fois qu'on a bien avancé, on arrive à Snowdin, qui est une petite ville de neige. C'est un truc entouré d'une forêt de sapins. Il y a un sapin au milieu de la ville avec des cadeaux et tout ça, donc c'est vraiment le sapin de Noël. Et quand on essaye de partir de Snowdin, bah on se fait rattraper par Papyrus. Papyrus qui nous dit, ah oui, mais alors là, ça va pas être trop méga possible. De partir. Ça va pas être trop méga possible, il va falloir qu'on se batte. Les personnages n'aiment pas qu'on parte, en fait, c'est ça le truc. Voilà, non mais alors lui en fait il veut littéralement nous livrer à Undyne pour que Undyne nous livre au roi, pour que le roi nous tue et que les monstres puissent partir en fait. D'accord. Donc là quand tu te dis ça, tu te dis merde, je suis dans le caca. Je suis dans le caca très grave. Et c'est, alors, pour moi ça a été impossible. Je dis pas que ça l'est, mais pour moi ça l'a été. Je n'ai pas réussi à battre Papyrus. J'ai pas réussi à le battre, à chaque fois il me tuait. Et le truc c'est quand il me tuait, j'étais mis en prison, donc dans sa maison, avec toujours le plat préféré de Papyrus, qui est un plat qu'il fait lui-même. Gros plat, gros truc extrêmement dur à faire. Des spaghettis. Oula, oui, il y a de la recherche là. Ouf. Là, tu vois, je me dis, quand on arrive à faire ça à quelqu'un. C'est le mec, c'est top chef quoi. Le mec, c'est top chef. Non, mais voilà, mais c'est présenté comme vraiment. Le mec se prend pour un espèce de méga cuistot. Parce qu'il fait des spaghettis. Mais on dirait pas, mais il y a une technique hein, derrière. C'est, moi, je trouve ça génial. Enfin, tu vois, c'est un peu le ridicule du jeu. Mais c'est du ridicule attachant. Et puis c'est un ridicule travaillé quoi. Voilà, c'est un ridicule travailler, je réfléchis un peu aux trucs ridicules que j'ai pu voir dans les jeux vidéo ces dernières années, ça va pas être le ridicule de The Order, par exemple. Parce que The Order est ridicule, mais pas dans le sens de Undertale quoi. C'est ridicule et tu t'en moques. C'est vraiment ridicule et tu fais non mais c'est vraiment de la merde. C'est vraiment de la chiasse. Bah c'est ridicule par le nombre ridicule de possibilités d'in-game en fait. Voilà. Alors que Undertale, c'est ridicule, mais c'est drôle. C'est le ridicule gentil mignon en fait. C'est le ridicule travaillé quoi. Recherché, voilà. Voulu, amené. On est. Voilà. Tous les mots et. De quoi tous les mois ? Non, tous les mots en « et » du con. Mais qui con ? J'ai fait des rimes en « et » ? Ah bah oui. Ah bah dis donc, pour une fois que j'y réfléchissais pas. C'est du ridicule rechercher, travailler. Bah, en même temps, Voilà, c'est des mots qui définissent. Donc forcément, ça va finir plus en « et » qu'en autre chose. Mais voilà, c'est... C'est vraiment du ridicule, mais ouais, comme tu dis, travailler, bien fait, pas juste, je fais ça et je me pas juste battre parce que c'est de la merde quoi. Voilà, c'est ça, c'est pas Duke Nukem Forever qui était littéralement chié. Alors, moi j'ai beaucoup aimé parce que après je connaissais pas Duke Nukem du tout. Oh, t'avais jamais touché à du Duke Nukem avant le Forever ? Un petit peu, mais ça m'avait pas transcendé, tu vois. C'était pas le truc que j'ai absolument envie de faire, tu vois. C'était pour moi, ouais. C'était un jeu sympa et puis point barre. Et Forever, en soi, il est très bon. Enfin bref, on va pas partir là-dessus. Donc ridicule travailler. Et en fait, au bout d'un moment, donc Sans, voilà, hein, nous laisse, la porte est fermée, et puis qu'est-ce qu'on trouve à l'entrée, juste devant la porte, la clé. Parce qu'il a oublié de l'enlever. Oh le blaireau, putain. Voilà, non mais c'est ce genre de blague dans le jeu en fait. Tout le temps. Et il y a ce... Et donc au bout d'un moment en fait, quand on sort la première fois, il nous fait... Ah ouais, bah t'es sorti, je vais devoir te remettre là-bas. Donc il nous remet. Puis ça dure 3, 4, 5, je sais plus au bout de combien de fois, au bout de combien de fois ça. Enfin, combien de temps ça dure. Mais à la fin, en fait, tout simplement, il fait t'es encore là? Tu veux pas plutôt qu'on fasse. Est-ce que tu veux te battre avec moi? S'il te plaît. Bah non, mais enfin, moi je l'ai regardé, j'ai fait bah. Non, quoi. J'ai pas envie de me battre avec toi. Et là il fait ah d'accord, c'est la première fois qu'on me je ok, et il part. D'accord. Tout simplement en fait, il est tellement touché par le fait qu'on veuille pas se battre avec lui et qu'on le respecte que bah il part tout simplement. Il s'en va parce qu'il se dit j'ai pas envie de l'attaquer, j'ai pas envie de le de le blesser ou de le tuer, enfin de le ou la blesser ou de le la tuer. Et c'est, enfin, c'est tout mignon. C'est vraiment tout. C'est vraiment tout. Moi, j'ai trouvé ça très très chou. Et on finit par partir. Bon, il y a un gamin qui nous suit, machin, tout ça. On continue. Et puis là, musique un peu inquiétante, figure inquiétante à notre niveau. On se cache. Et là, on a une chevalière en armure qui arrive, qui nous cherche, qui. Et donc là, on comprend qui est-ce. Tu peux c'est le faire, Peck. Bah non, c'est Undyne. Ah merde. Et Undyne est là pour nous chercher. Elle est au courant qu'on est là. Et là, on se dit merde. Tu vas chier pour nos gueules. Là, je suis vraiment dans la merde. Et donc, on finit par. Par avancer. On avance hein, tout tranquillement. Puis au final, on rencontre Undyne une première fois. Sauf qu'il y a le gamin qui nous suivait qui est en danger, donc on le sauve. Après, on a le choix. Hein. De le sauver ou pas. On a le choix de le sauver ou pas. Mais on a le choix. Bon, ça, on y reviendra. Hein. On y reviendra complètement. Bon, j'ai pas besoin de vous faire de dessin. Undyne, du coup, vu qu'on a sauvé un gamin, elle fait. Je vais quand même te laisser vivre un petit peu. Parce qu'on a sauvé un enfant. Parce que t'as sauvé un enfant, donc je vais quand même te laisser vivre un tout petit peu. Parce que je suis gentil. Enfin, gentil, pour le coup. Oui, ça c'est. Oui. Oui. De son point de vue, c'est effectivement preuve de gentillesse. Et ensuite, donc on continue, on arrive aux cascades. Waterfall, c'est les cascades, hein, tout simplement. Et en traversant les cascades, on se fait chasser par Undyne pendant toutes les cascades. Et on arrive à la fin des cascades. Et vraiment, on se fait chasser par Undyne, quoi. C'est au moment où on va entrer dans ce qu'ils appellent Outland, qui est la quatrième zone du jeu, qui est un peu l'endroit. C'est vraiment l'endroit chaud, quoi. C'est une espèce de volcan. On se fait pourchasser par Undyne, il y a plusieurs combats avec elle. Moi j'ai eu du mal à comprendre au début ce qu'il fallait faire, j'avais pas compris qu'une fois qu'on l'avait épargnée, il fallait fuir. Et donc à chaque fois elle me rattrapait très rapidement en fait. Et bon au début je vous cache pas que je mourais aussi, hein. Je mourais en boucle sur elle. Donc au bout d'un moment j'ai dit bon ta mère, ça me pète les... voilà. Les noix. Ça me pète les noix donc je vais pas continuer parce que ça me fait chier. Et donc j'ai continué, j'ai fini par voir la soluce comme quoi il fallait fuir. Je me suis dit, ah d'accord, il faut fuir, très bien, on va fuir alors. Et donc j'ai fui, et on arrive, donc on traverse les Outlands, on traverse, on est en train de se dire, putain, elle va nous rattraper, elle est à quelques pas derrière nous. Et puis d'un coup, Undyne s'arrête, et elle tombe. D'accord. La chaleur avec son armure, elle s'évanouit. Oh putain. Là on se dit merde. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je la laisse là à mourir? Ou est-ce que je l'aide? Alors moi je me suis dit bon je suis gentil, je vais aller l'aider. Sauf que si tu veux aller l'aider, tu peux pas. Puisqu'elle est complètement évanouie, tu peux pas la réveiller. Donc tu te dis merde. Fais chier. Comment je vais faire? Comment je vais faire? Et tu vois un distributeur, tu sais les petits distributeurs d'eau. Les petits pchit-pchit d'eau. Oui. Avec, tu sais, t'as le ballon, et puis tu pchites dans le verre. Oui. Et il faut aller chercher un pchit-pchit d'eau. Tu verses un verre d'eau, et puis tu le renverses dessus. Et elle se réveille, elle fait « Ah, tu m'as sauvé ?» Bon, je vais... Et elle part. Et elle s'en va. Oui, oui. Tu lui as sauvé la vie, t'as fait preuve de courage, et c'est ce qu'elle aime. Et donc plutôt que de tuer et d'amener ton âme au roi pour qu'il s'en aille, elle te laisse continuer ta route pour que tu ailles voir le roi de toi-même. D'accord, c'est... Merci. C'est beau, on est d'accord. C'est magique. Oui, c'est magique, oui. Hop, je vais faire ça. Excusez-moi, hein, je... Voilà. À peu près. Il essaie de redresser son zizi en parallèle, c'est pour ça. J'essaie de redresser mon zizi en parallèle, exactement. Mais ça fait un peu, ça fait un peu mal. Voilà. Et du coup, bon, on arrive à Outland, laboratoire. On arrive devant un laboratoire. Et devant ce laboratoire, enfin, on arrive devant la porte, on rentre. Il y a un grand écran avec un truc qui bouge. Et ce truc qui bouge, bah, c'est nous, quoi. On est sur un grand écran. Donc on est en fait, on est à la Truman Show, on est filmé, quoi, depuis le début. On est filmé depuis le début. Bah, si tu te souviens, je l'avais dit juste avant. Que dans les herbes au début, on trouvait des caméras. C'est vrai. Et donc, ça venait de ce laboratoire. Donc, on est un sujet d'expérience, en fait. Non, il voulait juste nous suivre, voir où on allait, voir ce qu'on faisait. D'accord. Et à ce moment-là, la propriétaire du laboratoire arrive. C'est le docteur Alphys. Le docteur Alphys, je vous lis la description de... Enfin, presque... Je vous enlève une partie de la description. Une scientifique dinosaure, grande animatrice d'animé. Là, j'enlève une partie. Asgore l'a nommée scientifique royale. Elle est amoureuse en secret d'Undyne. Mais Undyne, c'est pas une fille? Bah si. Et c'est alors? C'est des lesbiennes? Bah ouais. C'est un jeu d'hérétique. Hérétique! Embûcher! Embûcher! Non mais voilà, et donc elle nous parle en nous disant qu'au début, bah, elle nous surveillait pour nous amener au roi. Ce qui semble logique, vu que tous les monstres ont envie de quitter la surface. Mais qu'en fait, donc là c'est vraiment là que le jeu a... Enfin, c'est au moment où on va sauver Undyne qui a un espèce de revirement du jeu. C'est-à-dire que vous pouvez ne pas sauver Undyne. Si vous avez tué, par exemple, si vous avez tué des monstres jusque-là, et que vous sauvez Undyne, vous aurez quand même la fin neutre. Parce qu'il y a trois fins. Il y a la fin neutre, la bonne fin et la mauvaise fin. Enfin, moi, ce que j'appelle la bonne et la mauvaise fin. Ok, trois fins. Il y a trois fins. Techniquement, il y en a plus. Il y en a plus d'une vingtaine. Hein? Il y a 25 fins en comptant tout, mais elles se rapprochent. Enfin, il y a trois grandes fins, et les autres, en fait, c'est des dialogues à la fin qui changent. D'accord. Donc, si tu veux, c'est pas. Moi, je les compte pas comme des fins. Pour moi, il y a trois grandes fins, la fin neutre, la bonne fin et la mauvaise fin. Et donc. Attendez, je suis en train de. Ah oui, d'accord. Ok, très bien. Je viens de voir un truc et j'ai eu un peu de mal et non je comprends. Je comprends. Et elle nous dit qu'en fait, donc si vous avez tué des monstres et que vous avez sauvé Undyne, elle va vous dire qu'elle vous a vu sauver des monstres et donc qu'elle vous pardonne. La dinosaure. D'accord. Elle dit qu'elle vous a vu, enfin, tuer des monstres, mais que vous avez sauvé Undyne, donc elle vous pardonne. Si vous avez tué aucun monstre et que vous avez sauvé Undyne, non, dans tous les cas, il faut sauver Undyne, hein, parce que tuer aucun monstre, ça veut dire sauver Undyne aussi. Elle vous dit qu'en fait, elle vous surveillait, mais que petit à petit, elle a commencé à avoir de la pitié pour vous. Que en vous voyant être si gentil ou gentille auprès des ennemis, ben ça l'a fait repenser à ce qu'elle pensait de vous. Parce qu'au début, elle pensait que t'étais une connasse, enfin une connasse ou un connard fini. Au début, elle pensait que bah, il faut son âme. Ah oui, bah oui. Il faut son âme, oui, juste pour ça, sortir. Oui. Mais en nous voyant sauver les monstres. Bah, elle s'est dit, en fait, c'est quelqu'un de bien. On va pas la tuer. On va prendre l'âme de quelqu'un d'autre. Bah non, non, non, tu comprendras. On va y arriver, ça vient, ne t'en fais pas. Ça va, t'inquiète. On y arrive, on y arrive. Et donc, si on a tué tous les monstres, là, je sais pas exactement ce qu'elle dit, puisque j'ai pas vu ça, mais ça doit être un truc genre, vas-y, je vais te ramener au roi moi-même, quoi. Et elle essaye de nous battre. Et donc, elle nous dit que, bah, elle a créé un robot. Qui était, à la base, fait pour capturer l'humain. Donc là, on se dit, ah bah c'est cool. Et elle nous dit que, bah en fait, elle l'a. Elle, quand elle a vu à quel point on était bon, elle l'a modifié pour ben, qu'il nous laisse tranquille. Que le robot nous laisse tranquille. Encore mieux. Bah, tout bénef. Sauf qu'en fait, en le reprogrammant, il y a eu un petit souci. Ça aurait été trop beau. Et que maintenant, il veut nous tuer. Bah oui, bah c'est mieux. C'est mieux en soi, oui. Donc, du coup, on se dit. C'est un peu la bite. Et là arrive le fameux robot. Que je pense tout le monde aura compris de qui je parle. C'est Metaton. Et c'est un robot particulier. C'est un robot particulier. Parce que c'est un robot animateur de télé qui veut nous tuer. Ok. Voilà, et donc pour nous tuer, il va nous faire passer dans différentes entre guillemets émissions. Ouais. Comme par exemple les news. On doit passer dans les news. Un show de cuisine. Un jeu de. Enfin, il y a un jeu de questions-réponses. Ce genre de truc. Et en quoi ça pourrait nous tuer ? Bah, en fait, à chaque fois, il essaie de nous tuer. C'est-à-dire que quand dans le show questions-réponses, si on fait une mauvaise réponse, il nous attaque. Ça, à la rigueur, je peux le comprendre. Mais alors, les news, les news, il nous dit bah écoutez, notre envoyé spécial est présente, Bobette, présentez-nous, trouvez une histoire à nous raconter. Et donc, bah, il y a plein de trucs. Il y a un ballon, il y a un chien, il y a des trucs. Sauf qu'en fait, c'est tous des bombes. Et il faut les arrêter avant qu'elles explosent. D'accord, ok. Voilà, tu vois, c'est ce genre de truc. Le show de cuisine, c'est bah, un show de cuisine normal, quoi. Elle nous demande de ramener tous les... Enfin, le robot Metaton nous demande de ramener tous les ingrédients pour faire un super gâteau. Donc, tous les ingrédients sont juste là, on les ramène. Puis à la fin, elle nous dit qu'en fait, bah, il manque un truc pour le gâteau. Une âme d'humain. Ah oh, putain. Voilà. C'est tu vois le genre de truc, il y a même une pièce de théâtre, enfin c'est en soi assez ridicule mais c'est moi j'ai trouvé ça génial hein. Très sincèrement, moi j'ai énormément kiffé. Et donc on finit par se débarrasser de Metaton en le presque tuant d'ailleurs. C'est moi ce qui m'a un peu gêné. C'est qu'on va pour le tuer, c'est-à-dire que techniquement on tue le premier Metaton, sauf qu'en fait il a une deuxième forme, parce que obligatoirement c'est un robot, il ne peut pas ne pas avoir de deuxième forme. Effectivement, mais comme ça. Et bon, deuxième forme qui est très sympa aussi, voilà, c'est pas le truc le plus recherché de l'univers, mais voilà, le combat est assez sympa. Et on finit par se barrer, on arrive au... Donc bon, pendant qu'on essaie de chercher Metaton, on arrive au corps, donc le cœur énergétique des Underground, où justement le but ça va être eh bien, de le réactiver pour pouvoir avoir accès au... Comment ça s'appelle ? Pour pouvoir avoir accès au château du roi, pour aller voir le roi. Oui. Et donc, on continue, on arrive devant un restaurant, et au moment où on arrive devant le restaurant, il y a Sainte qui est là. Et donc plusieurs fois, on a eu des sortes de, entre guillemets, ce qu'ils appellent des rancards. Moi, j'appelle pas ça vraiment un rancard, parce que c'est juste un espèce de petit... coucou, je suis là, vas-y, montre-moi ce que... Enfin, on parle, on développe un peu le scénario. Et donc, cette fois-ci, Sant nous invite à un repas. Il dit, on va avoir un rencard, viens un repas. Et donc, ça peut paraître très cool. Et il nous parle un peu plus de pourquoi le roi veut remonter à la surface pour se venger des humains. Et s'il veut se venger des humains, c'est pas parce qu'il les déteste, c'est pas parce qu'il leur en veut pour je ne sais quelle raison. C'est parce qu'il y a plusieurs années, il y a un humain qui est tombé dans les souterrains. Le premier humain à être tombé dans les souterrains. Et il y a deux monstres qui l'ont adopté. Donc bon, je pense que c'est assez facile de savoir quel est le premier. Donc il y a deux monstres qui l'ont adopté et qui l'ont laissé jouer avec leur fils. Qui l'ont laissé jouer avec leur fils. Et sauf que un jour le monstre et l'enfant sont partis. Ils sont partis pour la surface. Ce qui semble logique. Oui, là, jusque-là, ça va. Ils sont partis sur la surface. Sauf qu'une fois arrivés à la surface, l'humain et le monstre sont arrivés dans le village des humains. Dans une ville humaine. Et le petit avait disparu depuis quelques semaines déjà. Le petit humain avait disparu depuis quelques semaines déjà. Et quand ils l'ont vu arriver avec un monstre, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont tué le monstre. Ils ont tué le monstre. Et ça a rendu le roi fou de colère. Parce que c'était son fils. Parce que c'était son fils. Ça l'a rendu fou de colère et fou de tristesse. Parce qu'il venait de perdre son fils à cause de... La mère, ça devait être la chèvre, une connerie du genre. Et la mère, c'était la chèvre. D'accord, donc d'où le comportement de la mère vis-à-vis de l'enfant. D'où le comportement de la mère vis-à-vis de l'enfant, c'est-à-dire que bon bah c'est vraiment la goat mom et elle a perdu, comme il disait, elle a perdu ses deux enfants. Est-ce que l'humain le considère aussi comme son fils ? Puisque l'humain il le considérait aussi comme son fils. Si ce que j'ai oublié c'est que l'humain, pardon, je reviens un peu en arrière, j'ai oublié de dire ça, l'humain était gravement malade. Oui, donc ils se sont occupés de lui et tout quoi. Donc ils se sont occupés de lui et tout et en fait il est mort de sa maladie, enfin il est tombé vraiment malade. Et du coup, ils ont j'ai le nez qui gratte. Ils sont vraiment occupés de lui. Le truc, c'est que quand ils sont arrivés sur Terre dans le village humain, l'enfant humain était presque mort à cause de sa maladie et pas du tout à cause du fils du roi. Sauf que les humains ont pensé que c'était le fils du roi qui avait tué l'enfant. Voilà, parce que comme il a ramené son corps aux humains. Ils se sont dit, attends, tu vas pas nous faire le coup. T'es un monstre, tu ramènes un corps humain là comme ça. C'est toi qui l'as tué. Et c'est la merde. Et c'est pour ça qu'il va remonter sur Terre, pour dire aux humains que c'était pas son fils. Non, pour se venger. Ah ok, bon, oui, aussi, parce ça que marche. Hein. Parce que les humains ont tué son fils. Oui, effectivement. Et donc comme il disait... La goat mom et le roi, ce jour-là, ont perdu deux enfants. Ils ont perdu leur fils et leur fils adoptif. Et c'est pour ça que la goat mom habite seule. Parce que le roi est devenu très violent. Le roi est devenu très violent. Il voulait absolument briser la barrière qui sépare les mondes pour pouvoir aller se venger. Pour pouvoir aller tuer les humains qui ont tué son fils. État d'esprit que ne partage pas la goat mom. État d'esprit que ne partage pas la goat mom, qui a donc décidé de le quitter et de s'exiler dans les ruines et donc de protéger tous les enfants qui viendraient et qui tomberaient dans les souterrains. Chose que malheureusement elle n'a pas réussi à faire vu qu'il a déjà 6 âmes. Chose que malheureusement elle n'a pas réussi à faire vu qu'il a déjà 6 âmes. Exactement. Et donc là, il nous reste une seule chose à faire. Aller voir le roi. Et ouais. Et donc, on traverse, bon, c'est tout. Encore une fois, c'est toute une partie. Le jeu est plein de puzzles. C'est toute une partie assez, assez longue, assez puzzlétique. Assez puzzlétique, et donc c'est assez... comment ? C'est redondant. C'est assez redondant, assez chiant. C'est redondant, c'est chiant, c'est... voilà. Et puis on arrive finalement dans la salle du trône. Enfin, à côté de la salle du trône. Et on se chie dans le pantalon. Et moi là, j'étais stressé. Hein. J'étais stressé, j'avais tué personne. J'étais fier de moi. Et on arrive, et qui est dans la salle du trône ? Le roi. Non. Papyrus. Non. Sans. Le squelette pétomane. Ce qui veut dire que le squelette pétomane, c'est le roi ? Non. C'est le fils du roi ? Non, du tout. Il nous dit juste que bah il est là pour protéger le royaume. Et que selon nos actions, il allait nous laisser passer ou pas. Oh. Et c'est là qu'il nous explique les principes de XP et de Love de Undertale. Oui, parce que ça, du coup, tu l'as pas trop développé. Bah oui, je l'ai pas trop développé parce que justement... je voulais pas le faire. On apprend que EXP, ça veut dire Execution Points. C'est des points d'exécution. Et que plus on tue des gens, plus on chope de XP. Plus on chope de XP, plus on va devenir insensible. Ce qui est vrai. Dans un RPG, c'est l'XP qui compte. Le XP pour le coup. Oui, parce que plus tu gagnes de XP, plus effectivement tu deviens de certaines sortes insensibles à certains dégâts, à certains trucs. Voilà. Et bien, plus t'as besoin de tuer pour encore augmenter de XP. Oui. Et donc, quand vous avez assez de XP, augmente votre niveau de love. Love. Ah, quand on a assez de XP, on augmente le niveau de love. C'est ça. Qui est symbolisé donc soit en LOVE. Ouais. Soit en LV. Donc LV pour toi, ça veut dire level. Level. C'est exactement ce qui arrive. Hein. On augmente son EXP, on augmente son LV. Sauf que LV, ça veut dire level of violence. Le niveau de violence. D'accord, donc en fait moins t'as de XP, donc moins tu as de love, donc... Donc moins tu es violent. Voilà. Moins tu es quelqu'un de violent. Et si tu arrives à Sans avec 0 de XP et 0 de love, eh ben il te laisse passer. Il te dit que tu es quelqu'un de bien. Et il s'écarte. D'accord. Si par contre tu as de l'XP et du love... Et eh ben arrive le boss battle le plus dur du jeu. Parce que tous les monstres jusque-là, quand ils te touchent, bon après ça dépend de ton armure, etc. Parce que bon, il y a vraiment un système RPG, hein. Tu as du loot quoi. Tu as du loot, enfin vraiment voilà, il y a tout un tas de trucs. Et donc il y a une stat d'attaque, une stat de défense. Et même avec la défense au maximum, Sans te one shot. Ah oui, il déconne pas. C'est le boss battle le plus dur de tout le jeu. Quoi, faire en sorte qu'il te touche jamais en fait. Donc faut faire en sorte qu'il te touche jamais, sachant que tu te souviens ce que j'ai expliqué, c'est le cœur et tu dois éviter les boulettes ou... Oui. Ça ressemble beaucoup à ce qu'on appelle dans le jargon un shmup. Un shoot'em up. Oui, d'accord, je vois. Ça ressemble énormément à ça. Après, il y a différentes... Il a rajouté différentes mécaniques. Par exemple, il y a des attaques qui vont être bleues. Ouais. Bleu, ça veut dire que si tu ne bouges pas, elle ne te touchera pas. D'accord. Bleu, si tu ne bouges pas, ça ne te touche pas. Ça ne, en fait, c'est que bleu, c'est une espèce d'attaque en aveugle. Bleu, c'est une espèce d'attaque en aveugle. Si en bleu, elle est dirigée vers toi, elle va forcément te toucher. Mais pas forcément. Parce que justement, en ne bougeant pas, il ne te repère pas et donc il passe à travers toi. D'accord. C'est comme ça que ça. C'est assez chaud à comprendre, mais c'est comme ça effectivement. Que ça marche. Et il y a aussi, je crois que c'est vert ou rose, je ne sais plus, où là il faut justement bouger à travers. C'est-à-dire que si tu restes statique, ça te touche. Si tu bouges, par contre, si tu le traverses, tu prends pas de dégâts. Donc, d'accord. C'est juste pour rajouter un peu de difficulté en soi. Oui, c'est juste histoire de varier le truc, quoi. Et le boss battle contre Sant, je vous conseille vraiment de le regarder au moins une fois dans votre vie. Parce que c'est affreux. Sa première attaque, la première fois, vous êtes obligé le premier coup de mourir. Parce que sa première attaque est tellement violente, tellement what the fuck, que c'est impossible de l'éviter. C'est impossible de l'éviter. Ça vous arrive sur la gueule, mais d'un coup... C'est impossible de l'éviter la première fois. C'est impossible de l'éviter la première fois. Une fois qu'on est mort, une première fois, le boss battle devient un peu plus facile. Après, je sais pas, je l'ai pas fait. Alors, très sincèrement, oui. Je vous le cache pas, moi je l'ai pas fait. Hein, ça m'intéressait pas, j'avais pas envie de le faire. Donc moi, je l'ai évité. T'es arrivé avec zéro en fait, toi. Moi je suis arrivé avec zéro partout, ouais. De toute façon, j'avais pas envie de faire. Je l'avais toujours dit, enfin, dès le début que j'ai dit que j'allais faire Undertale, j'ai dit que j'allais faire la bonne fin. Parce que pour moi, ça collait plus avec le personnage, avec qui on joue, parce qu'on joue un enfant quand même. Oui. Ça collait plus pour moi avec le fait de jouer un enfant, de ne tuer personne. Ou alors si tu joues un enfant des cités, quoi. Mais non, mais justement, après, dans le deuxième run, alors que moi j'ai pas fait, mais dont j'ai beaucoup entendu parler, y a une explication au fait de tuer des gens, et je me sens presque mal rien que d'y penser. Pourquoi donc ? J'expliquerai après, en fait. D'accord. Et donc, on arrive, on finit par traverser le château et on arrive au boss final. Ouais. Le roi. The King. The King, le roi Asgore. Ah, déjà ça pète comme nom, ça. Déjà ça pète bien comme nom, on est d'accord. Ça pète bien comme nom. Et donc il nous raconte que bah il nous re-raconte l'histoire de son fils qui a été tué et tout ça. Et il nous dit j'ai pas d'autre choix. La boss battle se lance. Et à ce moment-là, que vous ayez tué personne, que vous ayez tué tout le monde ou quoi, il détruit le bouton de pitié. Donc tu peux plus faire pitié. On ne peut plus avoir pitié de lui. On ne peut plus l'épargner. On est obligé de le tuer. Ah, c'est chaud. Et c'est très très chaud parce que ses attaques sont très variées, très compliquées en soi. Et en plus, vous faites quasi zéro damage. Zéro. Voilà. Bon, après, en prenant les bonnes armes, vous pouvez quand même faire assez de dégâts pour bien l'endommager et arriver à la fin du combat. Et donc, quand vous arrivez à la fin du combat, ce qui se passe, c'est que la Gothmum arrive. Pour mettre fin à tout ça. Et donc... Très belle scène où la Gothmum lui parle, etc. L'âme du roi, parce que malheureusement on l'a tué. C'est trop tard. Il me semble qu'on l'a tué quand elle arrive. Et donc, on est en train de se dire bon, on a les 6 âmes. On en a une qui est la nôtre. On va traverser pour se barrer. Je pense que, comme n'importe qui, hein, c'est ce que tu penserais. Oui. Comme n'importe qui, voilà. Sauf que. Puisque si c'était aussi facile, ce serait pas comme ça. Ben non. Sauf que au moment où on va pour, se barrer et emmener tout le monde avec nous, il y a un personnage qui revient qu'on n'avait pas vu depuis longtemps. La fleur. La fleur. connasse. Et la fleur qui nous dit, t'as été très gentil de m'ouvrir le passage. J'ai récupéré les 6 âmes. Maintenant, tu vas mourir. Et elle nous tue. What the fuck? Tu vas pas me dire que ça se finit comme ça, quand même. Non. Ah, tu me rassures. N'importe qui de logique aurait enregistré sa partie. Oui. Quand tu recharges ta partie, t'es pas face au roi. T'es face à la fleur qui dit, écoute, je suis le maître de ce monde. Donc, tu vas pas me faire chier, tu vas mourir. Et donc, en fait, la fleur, c'était c'était le vrai roi, en fait, en gros. Non. La fleur, en fait, est une entité démoniaque. Alors, j'en dis pas plus, parce qu'on en apprend plus dans la bonne fin. Puisque là, on est dans la fin neutre, en fait. Ce qui m'a un peu gêné dans le jeu, c'est qu'on est obligé de passer par la fin neutre pour débloquer la bonne fin. Et je le savais pas, et ce qu'a fait que, du coup, quand moi je suis arrivé à la fin, bah, j'étais un peu choqué de pas avoir la bonne fin, quoi. J'avais pas la fin que je voulais. Et tu vas nous expliquer pourquoi après. Et je vais expliquer pourquoi après. Mais en gros, donc quand on se bat contre la fleur, ce qui se passe, c'est que cette saleté nous tue en boucle. Et qu'elle va même jusqu'à altérer les fichiers du jeu. Littéralement altérer les fichiers du jeu. Pour rendre impossible le fait de la tuer. La connasse. Ce qui fait qu'on est coincé dans une espèce de boss battle qui est complètement différente du reste du jeu. C'est pas la boss battle qu'on a eue depuis le début, hein, très clairement. C'est là, on a une espèce de fleur photoshopée maléfique avec des tentacules qui partent de partout, un niveau shmup que même moi, je suis pas très fort en shmup, mais alors là, j'en ai chié pour le faire. Mais vraiment hardcore. Et quand on arrive à la battre, ben, tout ce qui se passe, c'est que ben, on part. Et c'est tout. On s'en va. Et là, ça s'arrête ? Et ça s'arrête. Oh putain, c'est encore plus à chier que si la fleur t'avait tué en fait. Sachant qu'il y a plusieurs. Il y a plusieurs passages où en fait, quand la fleur nous tue, le jeu crash. Mais littéralement crash, c'est-à-dire qu'il s'éteint. D'un coup. Donc toi, t'as dû croire au début que c'était vraiment le jeu qui plantait. Non, moi j'ai cru que c'était le jeu qui plantait. Et quand. La première fois, j'ai cru que c'était le jeu qui plantait. Et quand j'ai relancé, que j'ai vu ce que disait la fleur, j'ai fait putain. Je me suis dit, bordel de merde. Ils ont vraiment été chercher jusqu'au fond du fond pour ramener ça. Parce que c'est quand même un sacré niveau. Bah, niveau c'est quand même surtout un sacré même... niveau de troll. Ah bah là oui. Et bah le truc, c'est qu'une fois qu'on a tué la fleur, on peut continuer notre partie. Continuer notre partie. Et ouais, continuer la partie. On peut reprendre notre fichier de sauvegarde. Au point où on avait sauvegardé la dernière fois, c'est-à-dire avant le roi. Et il y a un truc que j'ai oublié de dire, c'est, vous vous souvenez, enfin j'ai oublié, non, je l'ai omis volontairement. Pardon. Tu te souviens quand j'ai parlé du rencard avec Sans? Oui. C'est pas le seul qu'on a dans le jeu. Ah. Après que, enfin, en fait, avant de vraiment partir pour de bon, Papyrus nous dit, je vais te laisser partir si t'acceptes d'avoir un rencard avec moi. Donc on a un rencard avec Papyrus. Après avoir sauvé Undyne, moi c'est ce que j'ai pas fait dans ma premier playthrough. Et que donc j'ai appris parce que j'ai eu du mal. En fait, je voulais pas tuer le roi. Donc à chaque fois qu'il y avait le boss battle, je repartais, je coupais le jeu et puis je recommençais. J'ai fini par aller chercher une solution au point que la dernière VOD. D'habitude, je fais des VOD entre 45 minutes et 1 heure. On est d'accord. Ouais. La dernière VOD d'Undertale fait 3h30. Parce que j'étais littéralement, quand j'ai commencé la VOD, j'étais pas loin du roi et je ne voulais pas couper avant d'avoir fini le jeu. Il m'a fallu 3h30 pour faire les deux fins que je pouvais avoir. Putain. Et il m'a fallu 3h30 parce que j'avais pas compris, il y avait un truc que je cherchais au départ. Qui était en fait, j'ai cherché rapidement la solution comment avoir la bonne fin, dont je vais pas encore donner le vrai nom. Hein, j'ai pas encore donné le vrai nom, je vous le donnerai après. Et on nous dit que si on a fait le rencard avec Undyne, elle nous donne une lettre à remettre à comment elle s'appelle, Alphys. Oui. Donc le docteur dinosaure, donc qui était la partie que j'avais omis, hein, parce que j'en ai parlé tout à l'heure, c'était juste que c'était la créatrice de Métatonne, mais je voulais pas en parler avant. Et donc comment, Une fois qu'on a Seven Dine, elle nous donne une lettre pour. pour Alphys, qui nous donne un rencard avec Alphys. Qui nous fait en gros plus ou moins avoir la vraie fin du jeu, quoi. Sauf que toi, elle te l'avait pas donné la lettre. Sauf que moi, elle m'avait pas donné la lettre parce que j'avais pas eu le rencard avec Undyne, parce que je ne savais pas que le rencard avec Undyne existait. D'accord. Donc du coup, je suis allé faire le rencard avec Undyne. Et une fois le rencard avec Undyne fait, bah, j'ai avancé jusqu'à l'endroit où on m'a dit que on recevait un coup de fil, puisque oui, on nous offre un téléphone pour pouvoir recevoir des coups de fil. Enfin bref, c'est assez classique. Et j'y arrivais pas. Donc je suis allé demander de l'aide aux gens qui me spoilaient, aux gens du chat qui me spoilaient, qui m'ont dit non non mais avant il faut que tu fasses la fin neutre. Là j'ai fait ah ta mère. Donc j'ai fait la fin neutre. Et donc j'ai repris, après la fin du jeu, j'ai repris mon save file qui m'a mené à ben justement à faire le rencard avec Undyne, puis à faire le rencard avec Alphys, puis à avoir la vraie fin du jeu. Et la vraie fin du jeu, on va pour battre le roi. Sauf qu'au moment où il va commencer à se battre, ben il y a Toriel qui arrive. La Mama Goat, son Ouais. ex-femme. Qui arrive Qui avant du coup qu'il meurt. arrive à... Non, avant qu'on le frappe. D'accord, ah oui, c'est encore mieux. Qui arrive même avant qu'on le frappe. Donc moi j'étais là genre, yes! Je vais pas me taper avec lui. J'ai refait le boss battle 45 fois. Je suis mort, je sais pas combien de fois, c'est bon. Et qui nous dit, bah voilà, j'ai ramené tout le monde. Donc il y a Undyne, Sans, Papyrus, Alphys qui arrivent. Même le gamin, le Monster Kid dont j'ai parlé un tout petit peu, si vous vous souvenez. Oui. Le fameux gamin qu'on a sauvé, tout le monde arrive pour dissuader le roi de nous attaquer et de nous tuer. Et ils disent, voilà, c'est un ou une bonne enfant, faut pas le ou la tuer, Yel va nous sauver. Donc là, on en apprend encore un peu plus sur l'histoire du fils du roi. Ouais. Et alors que tout semble réglé, qui arrive? La connasse. La fleur! Et donc, on a un dernier boss battle avec le true last boss. Le véritable boss de fin qui absorbe l'énergie des monstres qui sont là. Donc, encore une fois, Toriel, Sans, Papyrus, Undyne, Alphys et le Monster Kid. Et le roi? Et le roi. Et là, on se dit, je suis dans la merde. Non, non, le Monster Kid n'est pas là, pardon, c'est le roi. Pardon, c'est le roi Asgore. Je m'embrouille un petit peu, ça fait un moment que je l'ai fini quand même. Et là, on se dit, je suis dans la merde, et donc débute un combat classique. Avec, eh bien, pas les, comment, pas les monstres, pas la grosse fleur qu'on a vue, ou même pas la fleur en elle-même. Ouais. Mais avec, en fait, les versions noires des personnages que j'ai cités jusque-là. Version démoniaque. Voilà, version démoniaque, mais vraiment en fait noir, tu vois, le sprite est noir, il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de. Tu vois, D'accord. ils ont vraiment été pris par une entité maléfique. Et donc, bah, il faut agir pour qu'ils se rappellent de nous. Et en fait, une fois qu'ils se rappellent de nous, ils ont ce moment où ils sortent de l'emprise de la fleur. Où la fleur peut plus rien leur faire. Et peut plus rien nous faire. Et donc, arrive finalement la révélation finale. Sais-tu qui est la fleur ? Tout cassé, c'est le gamin malade. C'est le fils du roi. Ah bah oui, tout mieux. C'est le fils du roi qui lui-même veut se venger des humains. Mais je pensais qu'il était mort. Mais justement, il est mort, il s'est réincarné en fleur. Oh la tristesse. Et en fleur, il était impuissant. Sauf qu'avec les âmes des humains, il est même plus puissant. C'est un dieu. Littéralement, le jeu nous le dit comme ça, c'est un dieu. Il a la puissance d'un dieu. Sauf que nous, on a mieux que la puissance d'un dieu, on a la détermination. La détermination, c'est un truc qu'on voit pendant tout le jeu. À chaque fois que vous allez à un save point, et vous allez en croiser beaucoup des save points, vous aurez cette petite phrase « You're filled with determination ». Vous êtes rempli de détermination. Et la détermination dans ce jeu, c'est une espèce de puissance incommensurable qui fait que on est invincible à la fin du jeu. Le dernier boss battle, on le finit invincible. Parce qu'on est déterminé. Parce qu'on est déterminé. Et ce qui est très drôle, c'est que le gamin du roi Azriel, de son nom, nous attaque. Et que on voit les PV donc qui descendent, qui passent de 20 à 1, puis à 0,1, 0,01, 0,000, et ça fait comme ça. Et à la fin, ça explose. La fleur explose, elle en a marre, et on se retrouve dans son subconscient, et on voit véritablement Azriel, sous sa forme d'Azriel, sous sa forme naturelle. On voit le vrai lui qui nous parle, qui nous dit qu'il est désolé. Qui voulait se venger des humains qu'il avait tués. Et qu'il s'excuse auprès de Bobette. Mais que toi, Frisk, n'as rien à y voir. Toi, quoi ? Ouais. C'est qui Frisk ? Ben c'est toi. C'est le nom de ton personnage. Frisk. C'est son vrai nom. Et pourquoi il donne son vrai nom du coup ? Parce que en fait, le personnage que t'as nommé, c'était pas toi. C'était le premier humain. L'enfant malade. Oh, le délire. Et donc, une fois que Azriel... Mais tu t'en souvenais pas ? Bah non, mais en fait, c'est pas toi l'enfant malade. C'est le jeu te demande de nommer un personnage. Tu nommes un personnage. Tous les personnages t'appellent comme ça pendant le jeu, parce que t'es incapable de te souvenir de ton prénom. Donc ils t'appellent comme ça. Ils t'appellent comme le premier enfant qui est tombé. Comme ils ont dû le faire avec les six autres enfants. Enfin, les six autres enfants qui sont tombés avant. Parce qu'ils pensaient que tu étais le premier. Non, parce que pour eux, on est le même personnage. Comme on est un enfant qui tombe dans un trou, qui oui. s'évanouit et tout, la perte de mémoire, c'est logique. Puis se souvenir de son nom, c'est logique. Oui. S'il y a un personnage qui, derrière, t'appelle par un nom, un personnage qui t'appelle, par exemple, Bobette, oui. Bah, tu vas estimer que si elle t'appelle Bobette, c'est que c'est ton nom. Donc quand les autres personnages te demanderont comment tu t'appelles, je m'appelle Bobette. Sauf que c'est pas toi. Toi tu t'appelles Frisk. D'accord, tu es l'enfant malade. Non, non. J'ai rien compris. Le jeu te demande de nommer un personnage, pas le personnage, d'accord? Ah, un personnage comme ça. Mais en fait, pas un personnage comme ça. Le personnage que tu nommes, c'est le premier enfant malade. D'accord ? Tu suis ouais. jusque-là. Ok. Quand on descend dans les souterrains, la première personne qui nous dit notre nom, c'est la Mama Goat. Oui. La Mama Goat, qui est celle qui avait adopté l'enfant malade. Donc elle devra connaître son nom. On joue pas l'enfant malade, on joue Frisk. D'accord ? C'est qui Frisk ? Mais c'est le personnage que tu joues. Ah, qui n'a, c'est un personnage comme ça, quoi. Voilà. C'est le septième, enfin c'est le septième enfant. C'est d'accord. L'enfant tombé, c'est un enfant qui tombe dans le trou. Donc il faut en déduire que ça a été comme ça avec les autres enfants aussi. Voilà. Il faut en déduire que en fait, enfin moi ce que j'en comprends, après tout le monde sera pas forcément d'accord avec moi, c'est que le premier personnage que tu rencontres te dit tu t'appelles comme ça. Elle t'appelle Bobette. Donc si tu veux, dans l'esprit d'un enfant qui vient de tomber dans un trou, qui ne sait pas forcément ce qui se passe, bah on lui dit tu t'appelles Bobette, elle va se dire bah ok, je m'appelle Bobette. D'accord. Tu comprends mieux ? D'accord, donc pour elle s'appelle Bobette. Donc pour elle s'appelle Bobette. Sauf qu'en fait, bah pas du tout. Elle s'appelle Frisk. D'accord, et ça a dû être comme ça pour les six autres, je sais pas l'autre, le sixième, en fait. Ça a dû être comme ça pour les six autres, exactement. Mettons, le premier devait s'appeler Benoît, on l'a appelé Charlie, tout le monde l'appelait Charlie alors qu'il s'appelait Benoît. Non, on l'a appelé Bobette. Parce que c'est le nom que toi tu donnes au début du jeu, on est d'accord. Ah oui, donc faut partir du principe qu'on a joué les six enfants. Non, faut partir du principe que quand on te demande le nom de ta partie au départ du jeu, le nom que tu donnes, c'est pas celui du personnage que tu vas jouer, c'est celui du premier enfant. Tu nommes le premier enfant au lieu de nommer ton personnage. Ah, donc en fait, Bobette, c'était le nom du premier qui est tombé. Voilà. Mais tu peux l'appeler comme tu veux, tu peux l'appeler Marcel, si t'as envie. Si t'as envie de l'appeler Marcel, tu l'appelles Marcel. D'accord. C'est plus clair. Et c'est-à-dire que le deuxième enfant s'appelait Bobette aussi? Bah, c'est-à-dire que non, c'est-à-dire que eux l'ont probablement, après on sait pas, mais l'ont probablement appelé Bobette. Parce que en fait, la Goat Mom voulait recréer ce lien qu'elle avait avec cet enfant. Au lieu de lui demander comment tu t'appelles et de créer un nouveau lien, tu t'appelles Bobette. C'était tu es mon enfant, tu vas rester avec moi. On sait qu'elle a fait ça avec que le coup de tu es mon enfant, tu vas rester avec moi. Elle l'a fait à tout le monde. Ça, on le sait. D'accord, donc en fait, Bobette, donc c'est le nom que tu donnes, mais bon, voilà, c'est. On a cette partie-là. En fait, Bobette, ça serait le nom de l'enfant malade. Voilà. De base. Ok. Tu vois à quel point c'est tordu comme jeu ? Oui, je vois, là, par contre, là, oui. Voilà, et donc une fois qu'elle nous dit tu t'appelles Frisk. Je te laisse partir. Et donc là, on a le choix de partir. Enfin, on éclate la barrière qui sépare les mondes avec tous les personnages qui nous entourent. Puis il y a encore un petit dernier choix. Bon, c'est assez. Ça, par contre, c'est savoir est-ce que tu restes avec la Goat Mom ou pas. Bon. D'accord. Voilà. Et là, on a fini le vrai run, la vraie fin, qui s'appelle la Pacifist Ending. D'accord. Sauf qu'il reste encore une fin, si tu te souviens bien. Oui. Qui s'appelle la génocide. C'est celle où t'as tué tous les monstres. C'est celle où t'as tué tous les monstres et où tu tues le roi. Et où tu tues vraiment tout le monde. Y compris la plante. Y compris la plante. Tu tues tout le monde. Et c'est expliqué. Alors, moi j'ai pas fait cette fin là. Mais donc de ce que j'ai compris, donc déjà en passif, oui c'est ça. On en apprend plus sur lui dans la route génocide, le premier humain. Donc Bobette. Oui. Comme moi je l'ai appelé. Hein. Je l'ai appelé Bobette, mais c'est pas forcément Bobette, c'est le nom que vous donnez au départ du jeu. Mais on apprend plus sur ce personnage là dans la fin génocide. Parce que dans la fin génocide, en fait, moi, ce que j'ai entendu... Alors, encore une fois, j'ai pas la science infuse. Je ne sais pas si ce que j'ai entendu est... Bah, je pense que c'est vrai quand même, parce que la personne de qui je l'ai entendu m'a donné des... Enfin, m'a donné... Non, pas vraiment, mais a quand même une grosse... Bite. Voilà, une grosse bite. Il fallait que je trouve un truc. Hein. Voilà. Grosse connaissance. une grosse connaissance, et surtout c'est, bah, c'est le, comment ça s'appelle, merde, c'est le completionniste. D'accord, oui, ok, je vois. Voilà, c'est bon, c'est assez sympa. Moi là, je suis en train de regarder rapidement pour justement l'ending. L'ending, comment. Génocide. Génocide. Et apparemment, moi, de ce que j'ai compris, dans la version génocide, on nous apprend qu'en fait, on est un espèce de, pas de psychopathe, mais de, comment on appelle ça, schizophrène. D'accord. Qui a une personnalité serial killer. On est un serial killer. Et moi, je l'ai pas fait. Alors, qui c'est qui est serial killer, Bobette ou Frisk? Frisk. D'accord. Frisk, c'est le personnage que tu joues. D'accord, oui, non, parce que je savais pas si on en apprenait plus sur le premier enfant ou sur celui qu'on joue. On en apprend plus aussi sur le premier enfant. Je sais pas trop ce que ça dit. Parce que j'ai pas fait cette fin, en fait. Je sais pas ce qui se passe exactement. Il pourrait se passer que on apprend que, en fait, Bobette, c'est une psychopathe, ou je ne sais quoi, tu vois. C'était un ou une psychopathe, peu importe le. Qui a tenté de tuer tous les monstres et que c'est pour ça que le fils l'a ramené à la surface. Ce genre de truc, tu vois. Enfin, je ne sais pas du tout. D'ailleurs, le premier personnage que nous on appelle. C'est le premier enfant qui a tué le fils. Non, mais alors en fait, le truc, c'est que le premier personnage que nous donc on a appelé Bobette, le nom que lui ont donné les joueurs, c'est Kara. D'accord. C'est. C'est un peu genre. Caractère, quoi. Personnage, tu vois. Il l'appelle. Oui. Personnage. Et du coup. Ouais, je sais juste que la run génocide, c'est le truc qui fait juste casser le jeu. C'est le truc qui casse le jeu. Par exemple, voilà, c'est ça, c'est, tu vois, si Frisk, alors moi je lis, hein, c'est donc le en fait la génocide. La reine génocide tue complètement le jeu. Véritablement, ça tue le jeu, mais quasi littéralement. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que si vous faites un run, donc quand vous arrivez une fois que, parce qu'à la fin de la génocide, donc Kara, le premier humain, détruit le monde. Il détruit le monde entier, le monde des monstres. Il détruit tous les monstres, il détruit le monde des monstres et tous les monstres qui se trouvent dedans. D'accord. Et donc, si on, donc une fois que y a, en fait, il y a ça fait un écran noir. Une fois que le monde est détruit, ça fait un écran noir, un son devant, il y a rien. Tu peux rien faire. T'es obligé de couper le jeu, de le brute force, Alt F4. Ah oui, d'accord. Couper le jeu. Si t'attends 10 minutes. Dans cet écran, 10 minutes. Ce qui est long quand même. Hein, y a Kara qui revient et qui dit : tu sais que c'est de ta faute s'ils sont morts ? Sympa ! Et là, tu fais. Si tu dis oui, il y a Kara qui te répond exactement. Si tu dis non, le Kara te demande : qu'est-ce que tu cherches ? Donc après, bon, de toute façon, il n'y a pas de compromis à faire, machin. C'est un peu la merde. Ça devient un peu la merde. Après, c'est un peu compliqué. Moi, ce que je lis, donc, voilà. Et donc, le jeu peut repartir à zéro. Sauf que, est-ce que tu te souviens de ce que j'avais dit tout à l'heure sur le dernier boss battle de la fin neutre? Celui où la plante fait planter le jeu. Et surtout que les sauvegardes du jeu se modifient d'elles-mêmes. Oui. Bah là, il arrive la même chose. si vous faites un run trop pacifiste, donc celui que moi je vous ai expliqué, ouais, où on ne tue personne, si vous faites un run trop pacifiste après le génocide, et que vous choisissez à la fin de rester avec la Goat Mom, ben ce qui se passe, c'est que au moment où Frisk part avec la Goat Mom, elle regarde la caméra et elle a des yeux rouges. Elle a des yeux rouges qui montrent que Kara a pris possession de son corps. Et on entend le rire de Flowey et l'écran devient noir. Quelle horreur. Si Frisk dit je dois aller quelque part, donc qu'elle refuse de rester avec la Goat Mom, il y a, je vous ai pas montré, mais il y a un petit, il y a une petite photo à la fin, en fait. Une petite photo où on voit Frisk avec tous les personnages du jeu. Donc avec Sans, avec Papyrus, avec Toriel, avec Asgore, avec Alphys et avec Undyne. Si vous dites j'ai d'autres choses à faire, vous voyez quand même cette photo. Sauf qu'à la place de Frisk, c'est Kara. Et les visages de tous les personnages autour de vous sont barrés en rouge. Le délire. Ce qui veut dire que Kara les a tous tués. Donc Kara le premier enfant. Kara le premier enfant. Et en plus il y a et après à la fin à The End. C'est assez la merde. Bon après c'est un peu la merde. Il y a plein de trucs à faire. Enfin on peut faire une deuxième run génocide par dessus la première run génocide. À ce moment-là, Kara ne s'appelle plus Kara ou Bobette. Il s'appelle le démon qui vient quand les gens appellent son nom. C'est extrêmement sombre, c'est extrêmement noir et moi ça m'est extrêmement mal à l'aise en fait. Oui, effectivement, là, oui, c'est très perturbant. C'est vraiment une fin qui est perturbante, la fin génocide. Et qui est perturbante et qui est très dure, aussi. Moi, je connais quand même pas mal de gens qui font des runs génocide, donc une sorte de speedrun, hein, bien entendu. C'est quasi impossible. Même eux meurent devant Sans. Oui, quand même. Tes souhaits, mon fils. Merci. C'est quand même, voilà, pour prouver que c'est... C'est chaud, quoi. C'est... Après, il y a toujours moyen, hein. Petite blague, il y a toujours moyen de supprimer sa sauvegarde pour repartir de zéro. Mais... Voilà. Voilà. Donc, non, franchement, gros, gros jeu. Je pense que là-dessus, on est d'accord. Ça fait plus d'une heure, là, qu'on parle. Ça fait une heure et quart qu'on parle. Gros, gros jeu. Undertale. Et tout ça... Grâce à une seule et unique personne, Toby Fox. Le mec a plus ou moins tout fait dans le jeu, c'est-à-dire qu'il a été, bon, il a été développeur, il a été concepteur, il a fait la musique, dont la musique Megalovania, qui est parfaite. J'ai tellement rien à dire sur Megalovania, c'est devenu le générique des MIDI Indie. Ah oui, quand même. Non. Pas Megalovania, c'est le Ghost Fight qui est devenu le générique de MIDI Indie. Mais Megalovania, c'est la seule musique de Undertale que j'ai mis sur mon portable et que je peux écouter en boucle. Mais vraiment, ça m'est arrivé de l'écouter en boucle. Parce que la musique est kiffante. Je sais qu'il y a eu plusieurs designs de boss, de monstres, de trucs comme ça qui ont été faits par d'autres personnes. Mais principalement, le jeu est attribué à Toby Fox. Alors, ce que j'ai pas dit aussi, c'est que bon, y a une Toby... lui-même, dont je ne sens pas être son vrai prénom, hein, Toby Fox. Ça sera gros quand même. Le mec avoue s'être inspiré de la série de jeux vidéo Mother, que tu connais peut-être un peu. C'est des vieux jeux qui sont sortis sur NES, je crois. NES, Super NES. Et c'est assez logique. C'est assez logique parce que Toby Fox avait travaillé déjà sur un premier jeu. Qui n'était pas vraiment un jeu, qui était un hack, un ROM hack du jeu Earthbound. Earthbound, bon, un jeu assez bizarre, assez sombre, que lui-même a rendu donc encore plus sombre en rajoutant une histoire très très très chaude. et en rajoutant bah, de l'humour débile. En rajoutant de l'humour débile à la, à la, à la Toby Fox. C'est dingue parce que quand tu vois l'histoire de, d'Undertale, il y a tellement un fossé, une brisure entre l'humour qu'on va trouver dans le jeu et le ridicule que tu trouves dans le jeu et l'histoire profonde du truc, quoi. Ah, mais complètement. C'est-à-dire que c'est super dark et de ouf. Alors, quand c'est super dark et c'est super touchant. C'est-à-dire que moi je sais, on me l'avait dit, je commence à en avoir marre des gens qui me disent ça, mais un de mes potes qui l'a fait m'a dit à la fin tu vas pleurer. Il m'a dit à la fin tu vas pleurer, c'est obligé que tu pleures. Et à la fin bah, j'ai fait ouais, c'était mignon. Non mais il y a une histoire qui est touchante, mais en même temps, enfin. Ah, c'est extrêmement sombre. Hein. Quand tu te rends compte que finalement, enfin le. Non mais alors en fait, l'histoire de la génocide et de tout ça sont séparées, si tu veux. C'est-à-dire que l'histoire de l'enfant qui tue les monstres, si tu fais la fin neutre ou la fin pacifiste, ça n'arrive pas. Ouais, mais tu te rends compte que si tu fais la fin génocide, elle a quand même un impact après sur la fin pacifiste. Eh oui, complètement. Donc finalement, si tu fais la fin pacifiste, il n'y aura pas de parallèle sur la fin génocide. Mais si tu fais la fin génocide, il y a quand même un parallèle, tu te rends compte que voilà. Mm-hmm. Enfin, t'as l'impression que finalement, pour révéler la vraie fin pacifiste, toute la vérité. Mais en fait, on ne sait pas si c'est toute la vérité, on n'en sait rien. C'est ça le truc, c'est que c'est une espèce de fin ouverte presque. Le mec a été assez malin pour laisser. Le jeu n'impose pas, quand tu joues, ça ne t'impose pas une fin prédéfinie. Bah, ça t'impose même pas une compréhension vraiment prédéfinie. Après, tu peux en comprendre, c'est ça qui est bien, c'est que tu peux en comprendre ce que tu veux. Du coup, je comprends pourquoi t'as aimé le jeu, parce que c'est vrai qu'au niveau de l'intrigue, tu es proche d'un Five Nights at Freddy's, quoi. Non, pas vraiment. Non, mais dans le sens où... Dans le sens où, oui, la compréhension est extrêmement ouverte. Dans le tout, mais c'est que sur la compréhension générale, c'est quand même relativement ouvert. Voilà, c'est ça. Et moi, j'adore ce genre de truc. Et quand j'ai appris, parce que moi, j'avais juste fait pacifiste. Pacifiste. Et j'estimais que la fin pacifiste était très, très bien. Et il y a quelques semaines, il y a peut-être 2 semaines, il y a un épisode de 45 minutes... de The Completionist qui est sorti. Alors juste pour vous dire, hein, c'est exceptionnel parce que la vidéo la plus longue que j'avais vue The Completionist faisait 30 minutes. Ah oui, d'accord. La vidéo la plus longue que Gérard avait fait faisait peut-être 30 minutes, quoi. Et là, 45 minutes, et bon, c'est une grosse mise en scène. Je vous conseille d'aller voir la vidéo de The Completionist. Vous tapez juste The Completionist Undertale. Vous tomberez sur la vidéo qui dure 45 minutes, qui est très intéressante parce qu'il parle vraiment de tout. Si vous êtes calé en anglais, est-ce que c'est de l'anglais, je pense ? Oui, c'est de l'anglais, oui. Oui, c'est de l'anglais, pardon. J'oublie de préciser, pour moi, c'est assez logique. Bon, ceux qui nous écoutent et qui ont un niveau d'anglais, ou juste déjà le hello goodbye, ils comprennent pas trop, ils risquent d'avoir du mal. Oui, voilà, oui, parce que c'est quand même un niveau d'anglais assez soutenu. Hein. C'est de l'anglais parlé couramment, donc clairement, c'est pas pour monsieur, thank you, quoi, tu viens de m'insulter, quoi. C'est pas une blague, hein. Une fois on me l'a fait, j'ai dit thank you à quelqu'un, il m'a regardé, il m'a fait quoi, qu'est-ce que tu viens de me dire? Mais thank you ça veut pas dire va te faire foutre. J'ai fait non, thank you ça veut dire merci, c'est fuck you qui veut dire va te faire foutre. Oh, tu te calmes. Voilà, donc quand vous en arrivez à avoir des gens qui sont comme ça, je vais reculer. On va quand même finir, parce que là il est quand même 17h40, il nous reste un épisode à enregistrer, ce serait sympa, et puis que celui-là dure pas plus de 2 heures. Parce que là, ça fait quand même 2 heures qu'on enregistre. Mmh. C'est un peu de ma faute aussi. Enfin bref, on va pas. Je vais pas. Voilà, bref. Il y a vraiment, enfin ouais, une compréhension très ouverte. Moi, je comptais pas parler de la run génocide de départ. J'ai appris ce que c'était. Je me suis dit, c'est vraiment génial. Mais oui, comme je disais, pour parler de donc du remake de Earthbound, c'est un monde qui est très sombre. Puisque en fait c'est censé se passer après Earthbound. Donc Earthbound c'est tout simplement des gosses. Il y a un monstre et puis tu vois c'est un RPG tout mignon, tout choupi, quoi. Ouais. C'est un espèce de voilà, c'est mignon, c'est choupi, et puis ouais, à la fin ils doivent retourner dans le temps pour aller tuer quand même le monstre avant qu'il naisse. Enfin à sa naissance, avant qu'il devienne vraiment un monstre. Sympa. Et sauf que bah pour aller le tuer, le professeur Andonuts, je crois, c'est ça, le professeur Jeff Andonuts, les renvoie dans le temps, sauf que pour les renvoyer dans le temps, bah il peut pas les renvoyer comme ça. Parce que s'ils sont renvoyés dans le temps avec leur chair, en tant que qu'être humain, leur chair va se désagréger, ils vont mourir avant même d'arriver dans le temps. Donc qu'est-ce qu'ils font ? Le docteur met leurs âmes dans des robots. Le délire. Et donc ils vont tuer les monstres, enfin ils vont tuer le monstre, sauf que bah le problème étant que à la fin ils ont plus aucun moyen de rentrer. Ah ouais, donc ils sont coincés dans le passé quoi. Et le jeu se termine comme ça. Bien, bonne ambiance. Très très bonne ambiance. Toby Fox a avoué que c'était un de ses jeux favoris, il en a fait un hack qui se passe justement après Earthbound, où ça se passe, tu joues à un enfant, donc t'as les sprites des enfants qui sont partis dans le temps, sauf que y en a certains c'est eux, il y en a d'autres qui ont été renommés, enfin tout ça. C'est un monde qui vit tranquillement. Mais il y a certains personnages, par exemple là je vois dans les héros, donc il y a Ness, Paula et Pou. Oui, littéralement le mec s'appelle Pou, comme Pou, ce qui veut dire caca en anglais. C'est dans le jeu de base, hein. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Caca. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Caca. Donc il me semble que Pou est le fils de Endonuts. Attends. Ah non, pardon, il y a Jeff. Jeff Endonuts qui est le fils du docteur Andonuts. Donc quand même le docteur Andonuts on va son fils mourir, hein. Ils sont d'accord. Oui, déjà. On va dans le temps pour voilà, hein. C'est très sympa. Et donc voilà, le docteur Andonuts s'en veut énormément d'avoir envoyé son fils dans le passé. Il ne sait pas ce qui arrive aux enfants. Le père de Paula est en dépression absolue parce qu'il pense que sa fille est morte. Presque. C'est un hack qui est extrêmement sombre, et derrière il y a de l'humour ridicule de Toby Fox avec ce moment où on arrive donc dans la ville, c'est carnaval, tout ça, on voit un mec qui est mexicain, on lui parle, il se barre dans sa maison, on lui parle et tout ce qu'il dit c'est Mexican for the win et il se barre. Et là tu fais mais quoi? Tu fais mais d'où ça sort? Et donc il y a toujours cette dualité du côté de Toby Fox de faire quelque chose qui est touchant, qui est extrêmement sombre, mais de rajouter des touches d'humour. Parce que je pense que si Undertale n'avait pas ces touches d'humour, le prout n'avait pas... Le petit fantôme, c'est un truc dont je n'ai pas parlé, mais dès le début du jeu, on rencontre un fantôme, si on l'épargne. Le petit fantôme nous invite chez lui. Si on va chez lui, il nous présente sa maison. Et on va si on lui parle, il nous dit moi ce que j'aime faire dans la vie, c'est m'allonger sur le sol et me sentir comme une merde. Est-ce que tu veux faire ça avec moi? Donc tu peux répondre oui ou j'ai pas le temps quoi. Si tu réponds oui, t'as ton personnage qui s'allonge sur le sol. Et puis y a aucun dialogue, y a rien. Tu peux rester immobile pendant très longtemps. Et au bout de quelques secondes, peut-être une 30 secondes, je dirais entre 10 et 30 secondes, d'un coup la pièce s'efface et ça devient un espèce de ciel avec des étoiles, avec une musique extrêmement calme et tout. C'est magnifique. Et le fantôme, enfin c'est il est touchant, j'ai oublié son nom, c'est Nabstablook. C'est Nabstablook, enfin voilà, c'est moi je trouve ça extrêmement touchant, je trouve ça très beau, c'est vraiment magnifique. Et derrière, il y a ce côté sombre, il y a ce côté mais dur. La réalité, le gamin qui est un psychopathe qui tue tout le monde, c'est affreux. C'est affreux. Mais alors, le gamin, c'est Frisk ou Bobette? Bobette. Donc c'est Bobette le psychopathe. Oui, mais du coup, il y a un espèce. Enfin, j'ai pas fait le génocide, donc je pourrais pas t'expliquer correctement. Mais il me semble que Bobette habite dans le corps de Frisk. Donc on serait au même titre que la plante qui est la réincarnation du fils démoniaque, on serait la réincarnation de l'enfant humain. Voilà, c'est ça. C'est pour ça qu'on aurait tué tout le monde, puisque finalement c'est Bobette qui nous parle, enfin qui parle à travers nous, quoi. Voilà. Ça se tient. Et arriver à ce niveau-là de d'Inception in-game, c'est ouf. C'est surtout que mélanger le sombre avec le ridicule et avec le burlesque, l'humour après, ridicule, après, le si bon humour veux... ridicule, c'est l'humour burlesque. C'est pas facile déjà. Après, si tu veux, dans le génocide, l'humour est moins présent. L'humour est beaucoup moins présent. Le monde est beaucoup plus sombre. Les musiques changent complètement. D'ailleurs, les musiques, hein, j'ai oublié d'en parler, mais très très bonnes, parfaites. Megalovania, Ghostfight, tout, tout ce que vous voulez, vous me le mettez, moi je kiffe. C'est le génocide est beaucoup plus sombre. C'est un truc de fou. C'est en vraiment, c'est parce que le génocide, en fait, ça devient de plus en plus sombre au fur et à mesure que tu avances dans le jeu, en fait. C'est ça. Le génocide, plus t'avances dans le jeu, plus ça devient sombre, parce que tu tues des gens, parce que les gens, du coup, ont peur de toi. Les gens se cachent. T'es obligé d'aller les chercher, alors que dans un run normal, tu verrais les gens qui sont dans la ville, en train de jouer, en train de parler. Là, t'es obligé d'aller les chercher chez eux pour les tuer. Ah ouais, oui, effectivement, là-haut, c'est sombre. C'est hardcore, le génocide. Et je trouve ça génial que Toby Fox ait laissé ce choix au joueur de dire, soit tu peux faire comme Flowey t'a dit et ne faire confiance à personne et tuer tout le monde, soit tu peux faire comme Toriel t'a dit et épargner tout le monde, ou alors tu peux tuer des gens et en épargner d'autres. Si tu fais ce que tu veux dans ce jeu, et je trouve ça génial. C'est marrant, ça, d'ailleurs, que ce soit Flowey qui te dise de tuer tout le monde. Bah non, parce que si tu tues tout le monde, bah pour le coup, tu lui ouvres le passage pour qu'elle récupère les âmes et qu'elle puisse s'en aller. T'avais pas pensé à ça. Donc le fils du démon, c'est un gros psychopathe aussi dans l'histoire. Ah, complètement. Complètement. Mais c'est parce que, justement, le fils du roi... a été, entre guillemets, extrêmement blessé de s'être fait tuer, alors que tout ce qu'il voulait, c'était protéger son ami à la base. Bah oui, c'est chaud qu'il en vienne au point de se dire bon, on va tuer tous les miens, quoi. Bah lui, il s'en fout, lui, tout ce qu'il veut, c'est détruire le monde et détruire les humains qui l'ont tué. Sauf que pour détruire le monde, bah il faut passer il faut ouvrir le passage pour aller chercher les âmes. Pour ouvrir le passage pour aller chercher les âmes, il faut tuer tout le monde. C'est extrêmement sombre et cette fin me met extrêmement mal à l'aise. Cette fin me mais j'en chialerais peut-être, quoi. Voilà, t'as compris. Et voilà. Ah mais c'est ouf comme c'est sombre la fin génocide. Hein. C'est extrêmement malaisant. Hein. Peut-être que je la ferai un jour en stream d'ailleurs. Mais donc. Peut-être que je la ferai un jour en stream, mais ça va être l'ambiance. Hein. Ça va être... Mais voilà, c'est... Ouh, moi, ça me remue un peu, quoi. Oui, bah, je peux comprendre. Et voilà. Et bon, à part ça, je suis en train de réfléchir, en fait, à ce que je pourrais dire d'autre. Ce que je pourrais dire de plus sur le jeu. En réfléchissant comme ça, j'en ai pas spécialement... à part jouez-y, quoi. Jouez-y, mais à mort, jouez-y votre vie. Mais vraiment, c'est un jeu qui est god tier, quoi. C'est un jeu qui est vraiment, pour moi, c'est un des jeux de ces dernières années à faire. Mais vraiment, c'est. Après, je peux comprendre, parce qu'on en a parlé, toi et moi. Tu me disais que bon, c'était pas trop ton type, ça t'attirait pas vraiment. Je peux comprendre. Mais putain, qu'est-ce que c'est complet comme jeu. Qu'est-ce que c'est bon. Il est ahurissant de... Enfin, vraiment, comme je... Oui, je le disais, je vais le redire. Il est complet. Il n'y a rien qui manque, il n'y a rien en trop, il n'y a rien qui est... Il est juste très très bon. Et moi, je conseille à tous les gens qui ne l'ont pas fait, bah de le faire, justement. ça serait dommage de passer à côté. Parce que ça serait dommage de passer à côté de ça, quoi. Ce serait vraiment dommage de passer à côté d'un tel jeu, d'un tel... C'est pas souvent que je dis ça, mais d'un tel chef-d'œuvre. Parce que c'est vraiment un chef-d'œuvre, ce jeu. Ah oui, effectivement. C'est vraiment un jeu qui... Tu peux pas... C'est le genre de jeu où c'est pas juste j'ai bien aimé. C'est pas possible. C'est pas possible d'avoir juste bien aimé Undertale. C'est soit tu considères que c'est un chef-d'œuvre, soit ça t'a fait chier ta race. Mais c'est un des deux. Tellement il est fou. Tellement c'est un jeu qui est... Il y a même pas d'adjectif à part parfait pour le qualifier, quoi. Et pourtant tu me connais, tu sais que je suis pas, bon si un peu quand même, mais je suis pas tout le temps dans la démesure comme ça. Quand il y a un jeu, je dis ouais, j'ai bien aimé, mais il avait des défauts. C'est vrai. Là, il y a sincèrement aucun défaut que j'ai trouvé au jeu. J'ai trouvé aucun défaut, j'ai rien trouvé à redire. Il y a pas de truc à dire. Et c'est un jeu, malheureusement, moi ça c'est pour moi ça c'est un des plus gros problèmes. C'est un jeu qui a un espèce de cult following. De following culte qui fait que voilà, tout le monde plus ou moins l'aime. Mais c'est un jeu qui va pourrir la vie de Toby Fox. Tu crois ? Bah oui, parce que tout le monde va s'attendre à ce que son prochain jeu soit aussi bon. Tu vois ce que je veux dire ? C'est un peu comme Metallica. Metallica, ils se sont tirés une balle dans le pied en faisant Master of Puppets. Parce que Master of Puppets, c'est un jeu qui est... Enfin, c'est une musique, un album qui est parfait. Il n'y a rien à redire sur Master of Puppets. Tout le monde est d'accord pour dire ça. Et ce qu'ils ont fait après, les gens depuis Master of Puppets, ils trouvent toujours un truc à redire sur Metallica. C'est jamais assez. Parce qu'ils ont eu cet album Master of Puppets qui était parfait. Et du coup, bah, c'est dur de passer après ça, quoi. Tu vois. Ouais. C'est dur de se dire, il y a eu Master of Puppets, j'ai écouté ce qui a été fait après. Pour la plupart des gens, moi c'est pas mon cas. Moi j'adore ce qu'il y a après. Mais pour la plupart des gens, se dire, il y a un truc après Master of Puppets, c'est pas possible. La plupart des anciens fans de Metallica détestent ce qui a été fait après Master of Puppets. Parce que pour eux, ce n'est plus Metallica. Ouais, mais... Donc pour moi Toby Fox va avoir ce problème que les prochains jeux qui va sortir, le prochain jeu qui va sortir même, va avoir cette attente de la part des joueurs qui ont aimé Undertale. Et s'il fait pas aussi bien que Undertale, même s'il fait aussi bien, c'est ça qui est terrible, c'est que même si le mec fait aussi bien qu'Undertale, les gens sont déçus. Parce qu'ils veulent pas aussi bien qu'Undertale, ils veulent mieux. Tu vois ce que je veux dire ? Je repère un peu le truc. C'est terrible pour le mec, parce que le mec va se faire pourrir pour le moindre truc qu'il va faire. Le moindre pet de travers dans ses prochains jeux, ça va être une horreur pour lui. Il va se faire pourrir la vie. Ça reste que de passer moyen, quoi. Et moi, je trouve ça affreux. Très honnêtement, je trouve ça affreux. De me dire que le gars va même pas pouvoir sortir un prochain jeu. Enfin, s'il faisait un jeu tranquille, il pourra pas, quoi. Ça se trouve, Toby Fox, on n'en entendra plus jamais parler dans la sphère du jeu vidéo. Ou alors, il va se faire oublier un petit peu pour mieux revenir. Bah pas forcément, parce que même s'il s'est oublié un petit peu pour mieux revenir, quand il reviendra... Et alors, Undertale ? Tu vois ? C'est ça qui est horrible. C'est que les gens vont attendre du Undertale. Et spoiler alert, il n'y aura jamais de Undertale 2. Il n'y en aura jamais. Bah, je vois pas ce qu'il pourra faire de plus. C'est ça. Il n'y en aura jamais. Ne vous attendez pas à avoir un Undertale 2. C'est impossible. C'est pas possible de faire un Undertale 2. Et là-dessus, on va s'arrêter. On va vous faire plein de bisous. Jouez à Undertale. Jouez à Undertale. Ne le loupez pas. Loupez pas ça. C'est pas possible. Et on va si vous ne jouez pas Undertale, en tout cas, intéressez-vous à l'histoire. Voilà, c'est ça. Intéressez-vous à l'histoire. Enfin, je pense que déjà, les gens là sont... Oh, c'est génial. Tu vois. Je pensais, même toi qui m'as dit, puisque tu, on en a parlé un peu avant d'enregistrer, tu m'as dit, ouais, Undertale, bah, j'ai regardé les premières VOD, j'ai pas accroché. Là, ça a réveillé un peu plus ma curiosité. Ah, t'as vu, hein. C'est ouf, hein. Ça te donne envie. Alors que pourtant, le jeu, enfin, il est pas long en soi. Le jeu, moi, il m'a fait une dizaine d'heures. À peine. Et encore, c'est parce que j'ai fait les deux fins, sinon... C'est un jeu qui... 5-6 heures. Ce qui est pas grand-chose quand on voit... Watch Dogs, j'ai eu plus d'une vingtaine d'heures de jeu. Dark Souls, j'ai eu plus d'une trentaine d'heures, voire même 70 heures dans les tout premiers runs que moi j'ai fait. Donc c'est assez fou de se dire qu'un jeu de 5 heures... 5, 6 heures, 10 heures peut-être si vous cherchez à tout faire. Sachant qu'il y a des boss cachés et tout, hein, bien entendu, ça j'en ai pas parlé, mais il y a tout un tas de boss cachés. Il y a, puisque j'ai pas parlé, mais une fois qu'on a eu le rencard avec Alphys, il y a un laboratoire caché où on récupère des trucs pour. Bref, tout un truc très très chiant qui mène à la vraie fin, mais. En soi, 5, on va dire 10 heures pour un run quand on connaît pas trop. Peut-être même 15, allez, pour vraiment les gens qui connaissent pas, qui vont retenter 50 fois les trucs, ça m'a plus touché qu'un jeu qui va faire 30 heures, qu'un jeu qui va faire 70 heures. J'ai, sincèrement, si on me demandait de choisir entre Undertale et Dark Souls 2, par exemple, Undertale all the way. Undertale all the way, quoi. Y a même pas à réfléchir. C'est Undertale direct. Direct, comme ça. Direct. Bam, bra. Y a même pas à réfléchir. Et sur ce, on va se quitter. Et on va vous faire plein de bisous et on va vous donner rendez-vous la semaine prochaine. Même heure, même chaîne. Ah, on n'est pas à la télé. Merde. Mais non. Ah, merde. Ça fait un peu con. Ah, bah ouais. Bah, même chaîne de radio. Voilà. Ça, là, hier, ça passe. T'as vu comment j'arrive à arranger le truc. Mais voilà. Et puis, on se fait des bisous et on se retrouve la semaine prochaine pour... un YOLO Records qui va être très intéressant. Je pense. Voilà, donc on vous fait des bisous et bye bye les gens. Bye bye.